KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Mickaël n'est pas belge. Il n'est pas radin. Je n'ai pas une petite nature. Il n'a pas de cheveux blancs. Voilà, comme ça il sera content. Tout ça n'est qu'un mensonge, une conspiration. 21h minuit. 21h minuit, c'est pas Mickaël sur Pas Énergie. Voilà. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Une bonne semaine, puisque c'est la dernière, et oui, la dernière de la semaine. Hein. Prenez en congé pendant une semaine, mais rassurez-vous, Polo et Pedro seront là. Ah, prêts. Ouais, bon. Pour prendre le relais. Ouais. Tel de beaux chevaliers. Ouais. De preux chevaliers. Enfin, il y a un petit chevalier et un gros chevalier. Donc c'est après. Ça. Là, j'aimerais bien voir la gueule du cheval quand même avec vous. Ou Polo sera-tu. Déjà, Pedro n'arrivera pas à monter sur le premier. Polo sera le cheval. Ah oui, tiens. Avec Pedro, tiens, par-dessus. Pourquoi pas, c'est une idée. Du bon dossier, hein, ils vont rediffuser les JO. Ah ouais, c'est du bon dos, ça. Les JO d'hiver, vous vous souvenez pas? Ah si, si. D'accord, que nous on a fait. Ouais, oui. Ah, tu es en train de me dire, les mecs vont dans les vacances à l'ouverture. D'ouverture. T'as juste flippé deux secondes. Là, je me dis, mais putain, je pars pas en vacances si je me tape les JO à la télé, je peux crever. Surtout la rediff. Surtout la rediff. C'est même pas la version. Elle a rien vu, hein, ce non, en ça, plus. Il y a Justin Bieber. Ah bah très bien. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? New Cities. The New Cities, l'interview bien évidemment. Bref, beaucoup d'interviews au final la semaine prochaine. Les grands New Cities, les Canadiens. Les Canadiens. Qui sont super cool, les Canadiens. Je m'en rappelle pas. Enfin, c'est incroyable. Bon, bah, tant pis. Bah, comme ça, au moins, pour ceux qui se rappellent pas ou pour ceux qui n'étaient pas là, justement, eh bien, vous saurez comme ça, donc. Il y a les grands moments de Moundir aussi. Voilà, oui, il y avait Moundir aussi, bien évidemment, qui sera là. Bref, tout ça, on mettra la semaine prochaine dans le best-of, donc, de l'émission, puisque nous serons en vacances pour mon anniversaire, bien évidemment. Hein. J'invite tout le monde à Hawaï. Ça, c'est près de Liège, en Belgique. Oui, c'est ça, ouais. Ah, oui. Non, j'invite personne. D'ailleurs, déjà, parce que c'est mon anniversaire et que vous auriez dû m'inviter à Hawaï. Non, vous avez un délire bizarre dans cette équipe. À chaque fois qu'il y a un anniversaire, c'est le mec qui a une nouvelle année qui paye son verre. Mais non, c'est eux. Moi, j'ai jamais. Vous m'avez vu payer un truc pour l'anniversaire déjà? Bah, non, c'est pour ça que je me voilà, pas, là. Je me dis. Non, t'inquiète pas. Toff, il a payé son verre pour son anniversaire. Enfin, c'est pas plus mal, hein. Ah oui, bah pour une fois, je suis content d'être en août. Bah voilà. Non, moi je trouve ça ridicule. Mais t'inquiète pas, en août, quand on rentre, on pourra payer un verre. Hein. Défi, tu viens où je suis le 6 août. Tu seras où? Je sais pas. Pas loin de Paris, hein. Oui, bah c'est ça. Donc je pense que je peux relever le défi. Ouais, c'est ça. Ah, toi non plus, t'as pas d'argent. Le défi sera relevé de manière très simple. Bon, ce soir, on fera l'expression du jour, puisque comme d'hab, on l'a pas faite le jeudi. On fera également ce soir l'interview de l'Algerino avec sur la tête de ma mère. Et on a un bon représentant de sur la tête de ma mère, hein, Pablo, qui imite très bien. Tu peux nous faire un petit extrait? C'était parfait. Merci Pablo. Donc tout à l'heure, l'Algerino, c'était démentiel. Une tuerie. T'es trop fort, beau, Pablo. C'est beau. Bon, allez, il y aura du Radio Chatas aussi. Bon, il y aura du Radio Chatas aussi, bien sûr. Je vous rappelle que si vous avez des numéros à nous proposer, n'hésitez surtout pas d'ailleurs. 612, débutez votre message par Énergie, puis vous mettez Chatas avec un numéro de téléphone, celui qu'on est censé appeler hein, pour faire la vanne, et le prénom de la personne qu'on doit appeler aussi. D'ailleurs, on salue ceux qui sont sur le groupe Facebook, mikael.fr. Il y a Mathieu, cliquez sur la communauté évidemment. T'as un problème, t'as des spasmes en roue? Non, je voulais vraiment le taper. Ah d'accord, ok, je voulais taper pas, parce que je le vois jeter sa feuille en l'air et la ramener. Je me dis, il a un problème. Il a pété une durite. Taper quelqu'un avec une feuille, ça fait pas très mal, Non, bah c'est roux, hein, en même temps. Bon, salut Nico, il y a Laetitia, il y a Pauline qui est dessus également, il y a Sylvain, Cécile, il y a Stella, Nilou et tous les autres. mikl.fr, cliquez sur la communauté pour venir discuter avec tout le monde. On ira au fucking Blue Boy aussi. On ira au fucking Blue Boy pour le plaisir du roux, comme tous les vendredis soirs aux alentours de 11h30. Et là aussi, donc si vous voulez vous inscrire pour le fucking Blue Boy, 612, débutez votre message par Énergie et puis vous mettez JC avec votre numéro de téléphone. T'allais dire Toff nous a préparé un blind test. Oui, blind test. Très beau blind test. Blind test également. C'est sur les séries télé. D'accord, ok, très bien. Bon, on fera ça donc tout à l'heure là aussi pour les inscriptions. Si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est pareil. Et puis il y a le répondeur qui est là également, comme tous les soirs en début d'émission. Écoutez les messages que vous nous avez laissés au 01 40 71 3400. C'est parti. Pour écouter vos messages, pressez le 1. En fait, les gars, vaut mieux changer de répondeur parce que si vous n'aurez jamais des bons messages. Si je veux répondre, c'est un vrai truc de nul, quoi. Donc voilà, quoi. Allez, salut. Fin du message. Message Merci. Suivant. Bon oui, message. Bonjour tout le monde. Ça serait pour vous passer un coup de gueule. Car j'en ai marre que quand on essaye de vous joindre sur votre répondeur, on tombe toujours sur une messagerie qui nous envoie vers le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre. Et en plus, quand moi je laisse un coup de gueule concernant la vie de Michael Jackson en disant, soi-disant, qu'il serait encore vivant, je trouve que c'est complètement déplacé parce que par rapport à ses enfants, je crois qu'il y en a qui fantasment dessus, surtout ses fans. Oh là là. Donc laissez-le reposer en paix et arrêtez d'inventer des choses qui ne sont pas vraies. Au revoir. Fin du message. Message suivant. Bonsoir toute l'équipe. Qu'est-ce que vous voyez en vous, Anisha? Pourtant, il est sympa. Bon, ok, il faut pas grand-chose. Puis ces chemises, elles sont bien. Ça permet de traquer les couleurs de mon écran d'ordinateur quand ta webcam marchait. Alors remettez un peu la webcam et puis il suffit de mettre des chemises bien colorées, c'est très bien. Merci. Fin des nouveaux messages. Oui, alors beaucoup de messages particuliers. On ne fait rien gagner. Hein. Notamment ce débat sur Michael Jackson, Sandro. Alors, mort ou vivant? Mort ou vivant? Je ne souhaite pas en parler. Ah, d'accord, ok. C'est des nouvelles infos. On n'a pas la réponse, surtout. Non, c'est ça surtout. Oui, c'est ça aussi le problème, effectivement. Bon, et puis ce soir, Scooter... Attends, juste concernant la webcam, arrêtez de vous prendre la tête, elle ne marche pas, voilà. Oui, voilà, parce que finalement, c'est de la radio. Voilà. Hein, on s'est rendu compte de... Oui, mais c'est vrai, c'est pas la télé. Tu t'es rendu compte? Oui, voilà, c'est ça, c'est de la radio. Tu m'écoutes enfin? Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans que je dis qu'il faut pas la mettre. Oui, mais tu disais que c'était à cause de tes boutons, toi, tout ça, machin, etc. Bah, entre autres, voilà. Oui, bah voilà. Bon, ce soir, Scooter a gagné comme toute la semaine. Dernière chance d'ailleurs pour vous, hein, pour le chéri, je t'ai fait cocu ou pour le GAV. 612, débutez par énergie, puis vous mettez cocu ou GAV. Scooter Goose a gagné. On a également encore des places pour le compte de Bouderbala qui sont à gagner. Si vous voulez, n'hésitez pas. Moi, je suis pas à l'abri d'y retourner. Hein. Et bah écoute, pourquoi pas, place de ciné aussi pour aller voir Remember Me. Il y aura également des albums avec la BO de Remember Me. On a encore des places pour la Orangina Gliss and Mix qui aura lieu le 24 avril, donc avec des places VIP, donc plus un entraînement pour le wakeboard, enfin c'est des coûts en fait hein, pour faire du wakeboard avec transport et hébergement où d'où que vous soyez en France, vous viendrez jusqu'à Paris. Il y aura notamment pour la soirée juste après Joey Star, Izia, il y aura Cassius également. On a également des trilogies des Seigneurs des Anneaux en Blu-ray roux. Classe. Polo, dégage de là, sors. Il fait chier, à chaque fois qu'il est dans ce studio, c'est pour emmerder et déconcentrer les autres. Ouais, mais c'est pas Polo, c'est Roux tout seul. Hein. Ouais, c'est Roux qui fout le bordel. C'est incroyable. Oh là là là là là. J'ai fait une démonstration des. C'est comme le cancre dans le fond de la classe. Il faut qu'il parle à tout le monde quand le prof donne un cours. C'est le cancre là. Ouais. Voilà. En fait, il faut qu'il fasse chier tout le monde. Pour le punir, faut le mettre au coin. Faut pas lui mettre de fessée parce que ça rend agressif. Ah ouais, ça je te confirme effectivement. Bon, qu'est-ce qu'il a dit ce con là? Il a dit, reste là, viens assumer tes propos. Qu'est-ce que t'as dit? Il a dit, je baisse vos rums. Tu baisses vos rums? T'es courageux. C'est l'envers. La mienne aussi. Ouais, baisse vos rums à vous. C'est ça. Pas la mienne. Bon, je disais donc des DVD Twilight aussi. Ah bon. Et puis voilà, place de foot également pour Lille Monaco, Saint-Etienne PSG, Lyon Monaco et Marseille. Saint-Etienne, voilà. Non, allez. Ils peuvent pas jouer à la fois contre le PSG et contre Marseille. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Saint-Etienne PSG. Ah merde, je me suis gouré alors. Enfin bon, vous aurez compris. Marseille Saint-Etienne, voilà. Non, c'est Saint-Etienne PSG. Oui, ça aussi. Marseille Saint-Etienne, c'est la journée d'après, donc c'est possible. Ah oui, c'est le 24. D'accord. Ah ouais, on est en avance. Toi, qu'est-ce que tu crois? Ah ouais. Je suis nous emmerde avec ça. Attention, pas déconner. Pardon. Bon, et puis je vous rappelle, on l'avait passé hier, si vous voulez qu'on la réécoute ce soir ou la prochaine fois, n'hésitez pas. La chanson Facebook. On l'a pas là? Et dans les friends de ma cousine, ça m'a plagié l'oreille. Sur cette photo, t'as l'air coquine. Tu m'as laissé un commentaire en disant je suis célibataire. Je pense, ouais. Toutes les meufs, tu te prends photo devant la glace. La bouche en cœur, le décolleté, ouais, trop la classe. T'as Mickaël dans tes amis. Énergie, c'est bien non, franchement. Voilà, oui. L'avantage c'est que ça rentre dans la tête hein. Ça rentre grave dans le cerveau. Voilà, bon, si vous voulez qu'on la réécoute tout à l'heure ou si vous voulez qu'on la remette un autre jour hein, n'hésitez pas. Donc ça se passe sur le www.mikael.fr, cliquez sur la communauté ou sur le 612 débuté par énergie. Et l'euro commence à siffler maintenant, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Ah ouais, t'aimes bien. Bon bah écoute. Ouais, on essaiera de la mettre tout à l'heure. Ouais. Mikael, le podcast. Et il est l'heure maintenant de passer au premier Radio Chatas de ce soir. Ah. Comme tous les vendredis, petit Radio Chatas, bien entendu. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine d'encore avant, bref, si vous n'êtes pas là le vendredi, que tous les vendredis soirs, Bilou s'installe. Radio Chatas s'installe. Amateur radio ringard. Non, je peux pas te dire ça. Ah, c'est bizarre que tu le défends parce que lui il part mal de toi. Ouais. Ouais, je sais, mais je m'en fous, tu vois. C'est pas grave, tu vois. Il est in the house. C'est ça qui prouve que je suis meilleur que lui. Merci Sandro. Ouais. Pour le in-house. Merci beaucoup. Ah non, depuis qu'elle a son aspirateur. Alors, maintenant c'est la reine du ménage. Quoi, hein, non, mais c'est assez exceptionnel quand même. Oh là là, enfin bon. Ah, ça bon. Va, on n'a pas le trou du cul d'habitude là, qui gueule. Bilou, ah ben, bilou, voilà. Bilou, bilou, bilou. Quand on parle du loup. T'as vu, c'est bon, il est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bilou. Bilou, bilou. Il est là. Bilou. Est-ce qu'on peut dire à tête de con de s'arrêter? Ta gueule! Voilà, c'est mieux comme ça, c'est ouais. Beau, ça. En tout cas, je voulais saluer également mon assistante. Salut. Oui, Églantine. Ah, c'est Églantine. Oui, je change tous les jours. Hein. Ah bah oui, enfin, tous les vendredis. Pas, Bilou. Ah oui, non, mais je sais, mais c'est l'intérim. Hein. Ah bah, faut faire tourner le Pôle emploi. Hein. Bah voilà, bah, c'est l'intérim. C'est surtout les femmes. Oui, oh, bah, et les femmes aussi. Oui, d'ailleurs. Faut faire tourner les femmes. C'est oui, il faut les faire tourner aussi, c'est vrai. Merci, Églantine. Bon, on va faire le premier de Chatarès. Allez, c'est parti, on appelle. Je sens que ce soir, je vais avoir de la chance. Allez. Allô. Allô, monsieur Julius. Allô. Vous êtes où là? Est-ce que je pourrais parler à monsieur Julius? Il est pas là. Ah, il est pas là. Est-ce que maman Julius est là ou pas? Non. Ah, vous, ah ben, vous êtes toute seule? Ben non, on est avec... Avec qui? Avec... Ben passe-le-moi. Ah, on est avec mon oncle. Eh ben passe-moi tonton. Ben oui. Ah ben merci. Ah mais sauf qu'il parle pas français. Ah oui. Ah, il parle quelle langue? Un peu allemand. Ah allemand, oui, bah évidemment. Bon alors c'est pas grave, c'est Radio Chatas. Est-ce que tu connais Radio Chatas? Radio quoi? Chatas. Ouais, je crois ma mère elle connaît, ouais. Ah c'est chouette ça. Je vais te poser une petite question, si tu réponds bien tu feras gagner des cadeaux à ta maman. D'accord? Allô? Comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Dominique Sarkozy. Dominique? Bah c'est très bien Dominique. Alors attention, je vais te poser une petite question, d'accord? Ouais, mais je sais pas trop. Hein. Mais on va voir, si tu sais pas, c'est pas grave, ça coûte rien. Quel rapport, une facile, quel rapport y a-t-il entre la peinture et les échecs? Attention, 10 secondes pour répondre à la question. Le jeu. Et gagner Dominique. Plus de sucettes. 109.3 FM, Radio Chatas. C'est 40 barres à gagner dans 10 secondes. Tu as une idée ou pas? Bah non. Ah bah du hasard. Attends, sinon je vous donne mon frère. Quel âge il a? 11 ans. Ah bah très bien. Bonjour. Allô. Allô. Oui. Comment tu t'appelles? C'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy, parfait. Non. Comment? Je suis pas, je... Allô. Est-ce que tu as la réponse pour gagner les cadeaux? Est-ce que tu écoutes souvent Radio Chatas? Est-ce que ton papa est là? T'as quel âge? 11 ans. Ah bah dis donc, c'est bien. T'as une voix bien mûre, hein. Allô. Oui, allô. Bon, alors t'as la réponse ou pas? Redis, j'ai pas entendu. Ah oui, mais il fallait écouter. Quel est le rapport y a-t-il entre la peinture et les échecs? 10 secondes pour répondre à la question. Gagner des carambars, des petits schtroumpfs bleus, des dents de Dracula peut-être. 109.3 FM. Nicolas Sarkozy, t'écoutes souvent Radio Chatas? C'est la radio. Bah, c'est que c'est la peinture. C'est la peinture? Eh ben non, puisque quel rapport il y a entre la peinture et les échecs, ça peut pas être la peinture, tu n'iras pas bien loin. Si t'es pas brillant, t'es maths, c'est la réponse. Non, je viens de donner la réponse. Hein. Si t'es pas brillant, t'es maths. Attendez, oui, j'appelle ma maman et... Ah bah elle est là. Attendez. Oui, bah oui, enfin, c'est trop tard, pas c'est perdu. Bon, repasse-moi maman. Radio Chatas. Attends, madame, je reviens. Non, c'est monsieur. Radio Chatas. Monsieur. Téléphone dire, c'est maman, vite. Oula, attendez, vite. Oui. Oui, mais c'est perdu déjà. Allô? Allô, oui. Quel allô dommage. C'est la maman? Allô, oh, mais qui est là? Allô? Ya? C'est une maman? Ya, bon. Allô? Oui, attendez. Oui, mais enfin bon, écoutez, c'est pas la radio allemande. Allô? Allô, oui. Bon, vous avez perdu. Punt dry. Vous écouterez dorénavant Radio Chatas. Radio Chatas. Disponible dans toute l'Allemagne. Ouais. Allô. Oui. Allô. Oui. Allô, qui est-ce? Moi. Oui. C'est parfait. Allez, passe une bonne soirée, hein. Ah oui, passe-moi maman. Allô. Allô. Oui, maman. Vite. Chatas. Allô. Allô. Allô. C'est la radio. Première radio d'Allemagne. C'est la radio, Radio Chatas sur 109.3 FM. 109.3. Non mais tout ça pour raccrocher. Tout ça pour me raccrocher à la gueule. Ah, il était bon celui-là. Sale merde de gosse. Bah, dis donc. Bah quoi? Bah t'as pas d'enfant toi, Bilou? Mais non mais attendez, bah, non, je suis pas de gosse moi. Oui, bah oui, non. Ah bah non, avec qui vous voulez-vous? Ah bah c'est la question. Change d'assistant toutes les semaines. Ouais, c'est la prochaine question. Ça se trouve, t'en as 20 000. Bah oui, mais on faisait toutes les semaines. Faut en faire un toutes les semaines. C'est vrai. Il m'a fait chier celui-là. Oui, on a bien vu. Ouais. Ah, c'est un gosse. Hein. Ah, faut pas jouer avec les enfants. Ah, ouais, pareil. Je le saurai pour la prochaine fois. Ça ira mieux tout à l'heure. Ouais, j'en ferai l'autre tout à l'heure. Je dis ça à l'église, ils ont pas écouté. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Milou. Salut Milou. Et il était tendu celui-là. Eh ouais. Ah, il était marrant, ouais. Oh, j'aurais pas voulu être à sa place, hein. C'est-à-dire que l'autre, là, il comprenait rien, là. Oh, la voix du gamin était très énervant. Galère. Non, mais déjà, c'est énorme. Nicolas Sarkozy, je me demande si j'étais pas tombé là-dessus. Là. Si j'étais pas vraiment là-bas, en t'imagines, fait. T'as l'Élysée. pardon, non, on va pas faire des blagues. Non, non, bah écoutez, vous inquiétez pas. Non, non, c'était juste vraiment pour offrir un cadeau, rassurez-vous. Non, non, vraiment, vraiment. Juste vraiment. Un joli cadeau, vous n'avez pas de réponse à donner. Voilà, tout va bien. Donc, parlons de Sarko, on va faire le Sarko Game. Mickaël, le podcast. Pour jouer au Sarko Game, il y a donc Valentine, il y a Céline. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Super bien. Ça va et toi? Bon, écoute, ça va plutôt bien aussi. Hein, tranquille, tranquille. Valentine, t'appelles d'où? De Montigny-les-Metz, à côté de Metz. D'accord, très bien. J'ai eu des messages d'ailleurs d'une fille de Metz qui était ravie qu'on n'ait pas parlé de Metz dans la parodie. Ah. Oh, vous êtes dégueulasse. Ah, mais on pouvait pas parler de toutes les villes, hein. Mais en même temps, Nancy est une très belle ville qui est juste à côté. Ouais, mais c'est Metz, donc ça veut rien dire. Mais voilà, quoi. C'est juste à côté de Nancy. Elle est plus près de Nancy que de Metz. Ouais, ben là, l'appel de Metz. Bah oui. Toi, tu vas pas faire chier. Vous pouvez aussi, c'est à côté de Paris, ah non, mais ça n'a rien à voir. Je pensais que tu parlais de Mézières-les-Metz, pardon, autant pour moi. Ah ouais, non, non, je sais pas, j'avais pas entendu dire ça. Chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue dans le Sarko Game. Oui, bonsoir, Nico. Bon, et Céline, Céline, ça fait mal, donc. Céline, t'appelles d'où? Parfait. De Lyon. T'appelles de Lyon. Putain, j'aime beaucoup Lille. C'est une très belle ville. Ça tombe bien. Ah, ça commence par Lille. Mais non, mais Mézières-les-Metz, c'est à côté de Nancy, arrête de me casser les couilles. Mais non, c'est à côté de Metz. Voilà, oui, bah oui, sinon ils ont rappelé ça. Bon, je dis n'importe quoi, allez. Voilà. Bah oui, enfin, elle est de là-bas. Mais oui, elle a raison. Bah oui, elle a raison. Donc pour moi, c'était à côté de Nancy, mais oui, bon. Pour toi, mais oui. Non, mais... À côté de Metz, mais ça va, mais j'ai non, compris. C'est qui bon. M'a foutu un incapable pareil. Ah, bah ça, je me le demande, Nico, hein, putain. Oh là là. Bon, Valentine, tu veux jouer avec qui? Bah, avec Toff. Oh putain, bah merde, on n'est pas arrivé. Hein. Bah, t'as perdu, je répondrai à rien. Ah, bah, ça fait mal, hein, Toff. Mais l'une des charges. Au lieu de me soutenir. Non, non, non, non, non, t'es folle, non, non. Non, mais non. On est au top. Ah, j'ai su un peu cette. Bonjour Sandra. Ouais, bonjour, c'est ça. Nicolas. Et Céline, tu veux jouer avec qui? Avec le roux. Non, arrête. Bonjour Roux. Puis tout à l'heure, Roux il menace. J'ai peur. Vas-y, mais attends, c'est bon, 4. Ah, tu peux mettre à 5. Ah, je savais bien que t'aimais la douleur, toi. Eh, hey, quel chachote, l'autre il met à 8, il crie et le roux il fait il des signes. Pas, il marche pas, je l'aurais mis pareil. Ah, bah il marche pas, réessaye. Mais non, mais il marche pas, c'est. Arrête. Non, non, non, non, non, arrête. Ah, oh, j'adore quand cette machine fonctionne bien. Ce jeu est vraiment stupide. C'est toujours sur moi que ça tombe en plus. Qu'est-ce que t'as dit? Nique sa mère. La mère à qui et qui nique qui? Moi j'ai rien dit. Moi je nique ma mère. Non, moi j'ai rien dit. Moi je nique ma mère. T'étais la meilleure. À genoux. Quel bouffon il se met à genoux. Toff, s'il te plaît. Quoi? Non, mais il a rien dit. Ah, moi aussi, mais j'ai rien dit moi. Même si t'as rien dit. Ah bon? À genoux. Pardon. On va faire le jeu comme ça ce soir. Regardez ces deux bouffons là. Oh là là là là là là là. Oh j'adore. Quel bouffon. Qu'est-ce qu'on a l'air con surtout. Ah oui, là pour la peine, ouais. Oh, même quand t'es pas à genoux, tu sais. Bon, allez, on y va. Soir, alors. Non. Valentine et Céline. Ouais. Nous allons donc jouer au Sarko Game. Pour jouer au Sarko Game, vous connaissez le principe du jeu ou pas? Ouais. Bah oui. Bah oui, vous êtes sûr ou c'est un bah oui comme oui, ça? Je suis sûre. Bon, je vous réexplique quand même les règles ou ça ira? Bah, si j'ai envie. Bon, si j'ai envie, écoute, je vais le faire pour ceux qui débarquent. Donc, Valentine et Céline. Valentine, tu joues avec Toff. Céline, tu joues avec Roux. Je vais poser des questions en rapport avec Sarko ou en rapport avec l'actu people, en fait. Le premier qui a la bonne réponse donne sa réponse, ok? Si, par exemple, c'est Valentine qui donne sa réponse et que la réponse est fausse, c'est l'équipe adverse qui prend la main et Toff prendra une décharge. Et si jamais Céline donne la bonne réponse, à ce moment-là, c'est... Elle, c'est l'équipe adverse pardon, qui prend la décharge. Et rassurez-vous, vous avez donc la possibilité à ce moment-là de vous concerter, mais en deuxième passage. Le Sarko Game, on l'aime ou on le quitte, ouais. On serait bien parti avec clair, le roux. Oui, bah oui. Quoi, ça mérite une décharge. Non, ça mérite pas une décharge. Ah si. Non, non, moi, non, je suis pas parce d'accord. Que Sandra non, pense, mais... non, je suis pas d'accord. D'accord. Oh, tu cries plus comme ça dans le micro mal, parce que les auditeurs ça crache dans leur radio. Exactement, mais dans mon oreille aussi. Bah, d'ailleurs, t'as qu'à pas mettre crache. Aussi fort et je crierai moins tu fort. Tu cries moins dans ça. Le micro. On dit oui chef. Bon allez vas-y fais ton jeu. Fais le malin. Hein. Ah bon, moi après je dis ça. Bon Valentine Céline on y va. Première question. Non. Selon ses propres déclarations. Ah mais, oh là. Mais, je t'ai dit crie pas dans le micro, c'est pas possible. Bon. En plus t'es accroupi là, je te veux à genoux j'ai dit. Selon ses propres déclarations, quelle star de la pop américaine lui a brisé le cœur en se mariant alors qu'il était amoureux d'elle depuis 7 ans? Qui? Céline. Céline. Fergie. Attends, mais tu parles de qui? Selon ses propres déclarations, quelle star de la pop américaine lui a brisé le cœur en se mariant alors qu'il était amoureux? Ça fait deux fois que ça arrive, ça. Et donc, Valentine a dit Fergie, c'est ça? Non, c'est Céline. Alors, Céline a dit Fergie. Vous croyez que je suis un homme qui aime taser? C'est une mauvaise réponse. Attends, c'est honteux. C'est pour toi? C'est pour l'euro. C'est dégueulasse, trouve. Hein. Écoute, la question... Mais quel cinéma, le Roux. C'est pas un cinéma. Ça fait mal, hein, gros. Ah oui, ça doit faire mal, ouais. Oh là là, quel cinéma, alors. Il remarque parfaitement. C'est une, donc une mauvaise réponse. Valentine, tu peux te concerter avec toi. Valentine, moi, je pense à Lady Gaga, en fait. Bah vas-y, on s'en fout, de toute façon. Lady Gaga. Ouais, Lady Gaga. Mauvaise réponse. Et non, c'est pas ça. Oh, ça fait mal. T'as mis sur combien? J'ai vu ta veine du front sortir. T'as mis sur combien? J'ai mis sur 4. Frère, marche sur ses nous. Bon, la réponse à cette question, certes, un peu particulière. Tu connaissais pas cette veine sur ton front? Moi j'avais non plus. Jamais vu. C'était donc Beyoncé. Ah bah oui. Voilà. Ah, maintenant que tu le dis, bah oui. Bon, deuxième question, 0-0. Quelle immense star mondiale. Quelle immense star mondiale qui avait déjà fait parler de lui en détruisant des avions qui sont de gros pollueurs vient de s'engager officiellement en faveur de l'écologie. Qui c'est qui a fait ces questions? C'est Pedro, comme tu le sais. T'aimes la douleur. Valentine ou Céline? Patrick Sébastien, Céline. Mauvaise réponse. Non, mauvaise réponse. Patrick Sébastien. Ah, oh putain. Tiens, prends ça, gros. Est-ce que tu as senti le dard dans ton bras ou pas? Oh, j'ai fait les abdos là. Bon, est-ce que tu peux répéter la question? Non, c'est trop long. Si, on a le droit. Quelle immense star mondiale qui avait déjà fait parler de lui en détruisant des avions qui sont de gros pollueurs vient de s'engager officiellement en faveur de l'écologie? Bah... Mais attends, je le sens là. Non, Valentine. Réfléchissons. Barack Obama? Non. Ah, on n'est pas loin, hein, malgré tout. Hein. Ah, bon. C'est une star américaine, donc... Ouais, c'est une star américaine, mais ne nous emballons pas. réfléchissons intelligemment, c'est moi qui vais souffrir. Mais non, qui m'a foutu un incapable pareil? Qui c'est qui peut bien s'être régalé? Putain, je sais. C'est non, qui tu peux donner le point, si tu veux? Non, je sais pas. Mais c'est trop chaud, les allez, questions. Là, ça peut pas être Al Gore. Bon, allez, vite! Je sais pas, dis ce que tu veux, de toute façon, c'est pas ça. Bah ouais, là on va dire Barack Obama, Max, non, c'est pas ça. Barack Obama, c'est une mauvaise réponse. Non, mauvaise réponse. Tu m'as coupé? Comment? Oui. Allez, décharge. Vas-y. Français. Putain, tu vas prendre ta mère, Sandro. T'as de la chance. C'est pas la semaine prochaine parce qu'on est en vacances, mais la semaine d'après, tu vas prendre ta race. Et juste pour ça, je peux démissionner. Non mais attends, c'est pas de ma faute si la machine remarche. Ah oui. Je suis pas fautine. Ouais. C'était quoi la réponse? C'est Ben Laden. Exactement, Oussama Ben Laden, ouais. Bonne réponse. Star mondial. Ah oui, bah, il a niqué des avions. Ah oui. Mais pas parce que ça polluait. Hein. Bon, on y va, dernière question, 0-0. Vous n'êtes pas très bon ce soir. Hein. Je crois que c'est nous ou c'est les questions qui sont les questions très sont un peu spéciales, effectivement, j'avoue. C'est un peu les deux, je pense. C'est vrai. Allez, on y retourne. Pourquoi à vous qui... êtes relevé? Parce qu'on n'en peut plus là. Non, mais, je vais faire à genoux, j'ai dit. Non, sans déconner. J'ai dit à genoux. Non, d'accord. À qui Orlando Bloom et Miranda Kerr ont-ils fait appel cette semaine, non, la semaine dernière, pardon, pour pousser leur moto lorsqu'ils sont tombés en panne à New York? C'est quoi la question? Pourquoi nous? Alors, Valentine. Moi, je sais pas, moi j'ai aucune idée. Si mauvaise, tu réponds bien. Dis quelque chose. George Clooney? Non. Et non. Décharge. C'est pas ça. Décharge pour Toff. T'aimes la douleur. Je sens même dans la gorge, c'est horrible. C'est vrai. Si, ça remonte comme ça là. Céline et Roux. Céline. Ouais, en général, quand les stars américaines ont des problèmes comme ça, elles font appel aux paparazzi qui sont autour. T'as dit ça toi? Ouais, bon, donc, tu valides ça? Ouais. Ou tu prends autre chose, je sais pas. Non, non, Paparazzi. Paparazzi. Bonne réponse. Yes. Yes. Bonne réponse. Bah attends, Tof, t'as une décharge encore. Ouais, je sais. Vas-y, vite qu'on en finisse. Est-ce que tu peux faire une prière? Non, je veux pas. Vas-y, finis. Fais une prière avant. Non, finis. Tu veux pas faire la prière? Doucement. J'ai pas commencé. Dis amen. Dis amen. Amen, si tu veux. Non, mais arrête de monter. Attends, dis alléluia. Écoute-moi bien, quand on va revenir des vacances, on va te niquer. C'est pas de ma faute, mais je vais apprendre la boîte, je vais la chuter avec la machine. Tu sais quoi, Mitz, ça suffit. Vu que Sandro est large, on peut mettre les deux sur les deux bras. Mais je vais mettre sur le visage. Regarde-moi l'autre sadique. Les auditeurs jouent avec deux personnes. Est-ce que tu peux dire on se lève tous pour Danette? On se lève tous pour Danette, mais ça suffit, arrête de monter. Bah lève-toi. Arrête de monter. Ah, t'aimes bien, hein, t'as mal, hein. Pourtant, je l'ai baissé. Ah ouais, ben mal apparemment, hein. C'est dommage, hein, dis donc. Hein. Putain, on va te fumer, ma part. Ah ouais, mais toi, c'est mort. Pas de ma faute si la machine elle marche. Eh ben, c'est pas de ma faute si t'es mort. Souffrir, mais grave. T'es mort, Taras. Je crois que t'es mort, Taras. Si. Je veux plus jamais jouer à ça. Ouais. Non, mais ça existe pas, ça. On va te le mettre sur les yeux. On n'est pas à l'abri d'en faire un second ce soir, tiens. Ouais, non. Oh, ça aurait été drôle. Je suis vraiment stupide. Bon, du coup, c'est gagné pour toi, Céline, sur le fil, mais c'est gagné quand même. Hein. Ouais, bah merci Laurent aussi. Hein. Bah ouais, là pour la peine, ils ont souffert hein, tous les deux. Hein. Putain, ouais, c'était dur. Hein. C'était très très dur, mais bon. Bon, allez, passez une bonne soirée, passez un bon week-end également, les filles. Je vous fais des gros bisous et vous retournez bien évidemment chez Micha au standard. Ok. Ok. Allez, salut, ciao à vous deux, bye bye. À bientôt, bande de blaireaux. Et oui, à bientôt, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, bonnes vacances aussi, hein, Nico. De toute façon, il ne devra pas venir puisque semaine prochaine, c'est les vacances pour nous en tout cas. Mais rassurez-vous, on vous laisse pas en plan puisqu'il y aura le best-of avec les Mexicains, Polo et Pedro qui seront là, bien entendu. Voilà, qui ont passé la semaine à préparer. Eh ben, exactement, ouais, et tant mieux d'ailleurs. On aura l'expression du jour aussi dans un instant qu'on n'a pas eu le temps de faire hier, un peu comme d'habitude. Et puis, on aura ce soir en interview l'Algérino. Que vous n'avez pas l'habitude d'entendre sur Énergie. Sur la tête de ma mère. Et on a d'ailleurs, en fait, on l'a reçu parce que il avait fait une version spéciale de Mickaël et Mickaël Énergie de Sur la tête de ma mère. Et quand on a reçu ça, on s'est dit bon, on va quand même l'inviter. Le mec, il a l'air cool. Ouais, donc on verra dans un instant. Par contre, il est marseillais. Hein. Oui, c'est pas grave. Hein. Ah bon, d'accord, bah c'est parfait alors. Non, mais je sais pas. Les roues, ça le dérange pas. Ah ça. Bon, bah alors on essaiera de pas parler foot. Bonne soirée, qui s'annonce. Voilà. Non, ça avec un Marseillais, je sais pas si on va pouvoir y arriver, mais on essaiera de pas parler foot. On aurait dû amener la plaie. Ah oui, on aurait dû, ouais. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mickaël, le podcast. Expression du jour, comme tous les vendredis. Petite expression ce soir, qui est donc avoir. L'avoir sur le bout de la langue. Ouais, l'avoir sur le bout de la langue. Et l'expression en général veut dire quand tu cherches quelque chose, tu cherches un truc dans ta tête et puis tu dis, merde, j'ai sur le bout de la langue. Et ben là, tu vas l'avoir sur le bout de la langue, mais tu vas devoir deviner ce que c'est. Voilà, concrètement, en fait, c'est un petit test, je vais poser ma bite. Un petit blind. Allez, viens. Si tu veux, hein. Si tu veux. Qui commence? Le roux. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, allez, on y va. Donc on lui met quelque chose devant les yeux. On lui met quelque chose devant les yeux. Voilà, on lui met un espèce de masque comme les chirurgiens qui sont censés mettre devant la bouche, sauf que voilà, on le met devant les yeux. T'es sûr qu'il voit rien là? Ah, mais je fais ça. De toute façon, même s'il voit, c'est pas grave, je vais lui donner sur une cuillère. Donc. D'accord, ok, très bien, parfait. Alors. Bon, nous avons une petite boîte magique, nous avions préparé quelques trucs. Qu'est-ce qu'il y a, roux, encore? Tu mets un truc en rapport avec ta bite. Non, en rapport avec ton cul. Tout est comestible. En rapport avec du caca. Tout est comestible. Je te défonce. Tout est comestible. Tout est comestible. Les aisselles, ça compte tout ce que j'estime crade. Tous les poils, etc. C'est ouvert. Tout est comestible. Ouais, mais est-ce que tout est trouvable? Tout est comestible. Oh, la violence. Arrête de me dire ça, toi. Commence pas, putain. C'est du caca. Voilà. Ah, c'est limite, après, quoi. C'est plus facile pour certains que d'autres. Ouais. Vous avez l'indice, bien sûr, qui s'affiche en bas de votre radio. Allez. Roux. On y va. Attends. Et je veux tout en petite dose. Bah, c'est une petite cuillère, c'est une cuillère à café. Regarde, donne ta main. Non, ouais, je te crois. C'est une petite cuillère à café. Oh, j'ai peur. Ouais. Attends, respire pas. Ouvre la bouche, respire pas, ouvre la bouche. Cache-toi, je vais le faire normal. J'ai peur. Allez, vas-y. Ah, il s'est bavé dessus. Oh, c'est dégueulasse. Bah oui, mais c'est quoi alors? Aval. Bah, c'est de la sauce très piquante. Attends, il faut deviner d'abord. C'est de la sauce très piquante. Merde. Ouais, mais t'as pas le nom. Bah oui, mais c'est déjà qui me demande Harissa. C'est quoi? Non, c'est voilà. Pas de la. Ah, c'est pas. Moi, ça. Je demandais à Roux. Non, c'est pas. C'est de la purée de piment. T'aurais dû finir par ça parce que là, les autres aliments, il va plus les sentir. Hein. Grave. Mais si, ne t'inquiète pas. Allez, tu es prêt pour le deuxième? Ah, Peggy la cochonne est avec lui. Quelle horreur. Ça, c'est un glavio à moi. Une huître. Allez. On y retourne. Attention, deuxième essai. Ça va, hey, ça c'est du soft, ou c'est Polo, du soft. Il le tape. Ça c'est du soft. Ça c'est pour te remettre de ce que tu viens de manger. C'était blanc concentré, ça ressortit rouge. Roux, c'est quoi? De la farine. Oh. T'en as sur la barbe. Bonne réponse. Ouais, en fait, c'est dangereux parce que quand j'allais l'aspirer, ça allait me. Mais pas tes mains devant toi. Ouais. Pourquoi? Parce que t'as un peu Si, vas-y, t'as des restes. Ne lâche pas le micro. Bon. Bon, allez, un petit dernier pour la route. Mais pas en. Non mais ça va aller. Non mais je veux dire me le fous pas parce que là tu me le fous sous la glotte le bordel. Bah oui, oui. Mais non, il est à peine rentré à la cuillère. Ouais, l'expression c'est sur le bout de la langue. Bah ouais. Oh là là. Allez, on y va. Dernier essai. Celui-là il est plus dur. Hein. Ah il est plus dur. Ah ouais. Oui, c'est un double, c'est un deux en un. Celui-là il est plus dur. C'est un deux en un. Alors attention. Oh, et Toff il en met partout, mais quel porc, c'est dingue ça quand même là. Bon, allez, on y va. C'est parti, c'est un deux en un, c'est un deux en un. Attention. Non, c'était le stylo, c'était pour rire. Bande de bouffons. Allez, on y va. Mais qu'est-ce que c'est, on ça. Y va. Allez. Tu craches pas. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. La voir sur le bout de la langue, alors c'est quoi? T'en veux un peu plus? Oh, on t'entend mal. C'est dégueulasse. Non, Roux, on t'entend mal. Bon, c'était quoi? Alors, il y a du miel. Ah, bien. Ouais, bien, pas mal. C'était quoi, l'autre? Il est en train de bouffer son masque. C'est une tortue. T'as mis du poivre? Non. Ah. Mais t'es pas loin. Ah. Tabasco? Non. Ah. Ah, non. Remets-du un petit peu. Tu es plus loin. Non, mais juste ça. Je te mets l'ingrédient tout seul. T'as mis de la harissa avec? Non. On remet un petit peu l'ingrédient, mais tout seul. Tout seul. Sans le miel. Ah, j'en ai partout. Sans le miel. Attends, parce que là tu l'as pas, et c'est au milieu de la cuillère, il y en a un cas tout petit peu. Mmh. Ah, je ris tout seul. Ah, je ris. C'est meilleur avec du miel donc. Regardez-moi du coup. Bah oui, parce que le... Il est devant toi, c'est bon, attends. J'adore super montagnier. Là il nage, il est toujours dans une piscine et il nage. Il a les yeux bandés évidemment. Bah oui. Bon alors c'était quoi là? C'est une épice? Ouais. Pourtant il aime bien les épices, l'euro d'habitude. Oui, c'est une herbe. C'est pas du curry ça, hein. Non. Non. Ça commence par un C. C'est du cumin? Non, ça commence par un C. Bah, et cumin aussi. Oui, mais ça commence pas cumin. C'est du caca. Non, c'est pas du caca. C'est du caca. Je reconnaîtrai le goût. Coriandre. Du curry? Mais non, j'ai dit. Mais non, t'as déjà dit. Alors... Du. Ça commence par C. C'est pas l'indice. Si. Ça commence par si, non? Non, ça commence par C. Ah, par C. C'est. Mais c'est. C'est pas c'est... bon. C'est l'hymen. C'est pas. Tu es presque. C'est la. C'est l'hymen. C'est lit. C'est quoi ça? Putain, je connais les pistes comme c'est lit. D'ailleurs, enfin bon, là t'es pas très bon. Ah là. Oui, c'est du céleri. Voilà. On se vachement par c'est lit. Bah c'est des céleri. Ouais, c'est ça. Il a dit comme ça en tout cas. Mais ça va, tu termines de la harissa là. Putain, je. Oh là là, j'avais pas vu le. Ah, oh, mon ordinateur. Ah bah dis donc. Ah, il a sali. Il avait laissé cracher partout. Il a sali la pochette de protection. Oui. Hein. Ouais. Faut savoir ça. C'est pas comme s'il avait craché sur son ordinateur. Ouais voilà, ah c'est là, ça. Il y ouais. en a partout. Oh là là, mais ça va. Ça va bien se passer. Ah oui, là il y en a partout. Non, mais on va nettoyer. Bon, suivant non? Qui essaye en suivant? Ouais, je veux bien. Bon allez Jack, allez, c'est bien, parti. Jack, on y va. Allez hop. Installation. Oui, allez, viens t'asseoir. Oui, c'est ça. Donc c'est l'expression du jour, hein, je le rappelle, et c'est donc la voir sur le. Une cuillère en revanche. Oui, la cuillère est neuve. Cuillère. La voir sur le bout de la langue. Donc concrètement, on met des trucs les yeux bandés, bien évidemment. Concrètement, on met ça sur la langue de Roux tout de suite, de Jack maintenant, et puis à lui de retrouver ce que c'est. Y a rien de périmé. Non, y a rien de périmé. Ah oui, t'es sûr? Normalement. Ah bah oui, ah bah écoutez, je pensais que... Bah pourtant, on a tout acheté il y a moins de 4 ans, donc je ne comprends pas. Dites donc, alors, c'est étrange. Bon, allez, attention. On commence par un facile. Allez, on y va, attention. T'as pas de l'essence, c'est de la vie, les gars. Personne a de l'essence? Ah non, là, pas sur nous, là. Non, moi j'ai du crachat. C'est assez rare. Voilà, viens, c'est viens. Marrant, allez, hop. Ouais, ça, t'as intérêt à le prendre d'un coup, hein, parce que sinon, ça va être dégueulasse. Ça c'est dégueu. C'est un tout simple ça, mais c'est dégueulasse. C'est dégueu. C'est quoi? C'est du sel. Oui, c'est du sel. Oui, 100% sel. Hein. Bien évidemment, il y avait. Ah, mes artères. Oh, ça va, c'est pas pour 3 grains de sel là. Ah non, mais ça reste bien en bouche. Bon, on y va. Rabulatas. On y va. Ah, on fait un double. Non, on en fait rien du tout là. Ah, je sais pas, c'est pour savoir si on fait un double. On fait de la surprise. Après. Bon, allez, vas-y. Hop. On y va. Attention. T'es où? C'est là. Alors. Ça doit être chelou ça. Ah, ça doit pas être dégueu en fait. J'aime bien, remettez-moi une cuillère, tiens. Oui, tiens, ben voilà, basilic. Remettez-moi une petite cuillère, on va voir. Hein. Basilic. Ouais, mais il est pas tout seul. Basilic avec quoi l'autre? C'était un double, hein, j'avais dit, hein, c'était un double. Attention. Non, j'ai pas l'autre. T'as pas l'autre? Non. C'est quoi l'autre? Parce que je vois pas d'ici en fait. L'autre, c'est de la farine. Ah, c'est farine? Ouais. Ah bon, mais ça va, il y en avait moins, c'est pour ça en fait que ça a posé des problèmes avec le roux. Bon, allez, attention. Dernière ligne droite, dernière. Oh, ça craint ça. Dernier essai. Dernier essai. Mais non, ça craint pas là. Enfin, je pense pas que ça craigne. C'est un double là ou c'est quoi? C'est un double. Tu peux pas faire un triple? Allez, on fait un triple. Oh, les malades. Ça va être pimenté ça. Allez, on fait un triple. Attention, le triple maintenant. Il faut découvrir donc trois aliments. Et donc l'expression du jour, avoir quelque chose sur le la bouche, sur le bout de la langue. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais sinon tu vas t'en foutre partout sur le pull. Ouais, ça aussi. Ça va couler, ça va couler. Oh, il a une tête. Mets tout à l'intérieur, Toff. Oh. L'idée vient de Sandro. Je ne veux pas balancer, mais. Non, pas on du précise tout. Que Jack a du mal avec ce qui est pimenté. J'ai pas proposé ce mélange-là, moi. C'est quoi? Purée de piment, du miel. Non. Ah, je sais pas. Il n'y avait pas de miel, hein. Ah, ouais, ça fait mal, hein. Non. T'en as aucun sur on n'a pas d'idée. Si purée de piment, il avait raison. Purée de piment, c'est bon. Là, on va avoir une purée de vomi. Il en reste deux encore. Hein. On a la poubelle à peur. On a la poubelle à peur. Alors? Ah non, je sais pas le reste. Tu vois la pas, il y avait, ouais. Et ah de... ouais, putain, je l'ai, ça y est. Et ouais, et oui. De l'huile d'olive pimentée. Ah putain. Attends, voilà. Comme on sait que Toff, c'est un peu un dingue. On va voir s'il reconnaît. Lui, on va lui faire que les mélanges. Non, mais on a plus le temps là. On a plus le temps, malheureusement. Oh, mais... Et ouais, bah ouais, en même temps. Je vais faire un mix moutarde miel. Mais en même temps, c'est con, c'est lui qui a fait la boîte, donc il sait ce qu'il y a dedans. Non, mais non, justement, oui, mais bon, les mélanges. Si on fait les mélanges. J'en fais un. Bon, et allez. C'est la moutarde qui arrache plus que le piment. Allez, un, vite fait alors, vite fait, on en fait qu'un seul. Vas-y. Allez, hop, c'est parti. Ouvre la bouche. Non, celle-là. Allez, on va aller plus vite. Allez, ouvre la bouche, hop, mais ouvre bien grand la bouche. Hein. On a pas une cuillère à soupe? Non, mais c'est... T'emballes pas non plus. Non, bah attends, une cuillère à soupe, ça aurait été pas mal, hein, mais enfin bon, c'est pas grave. Bon, allez, on y va. Et pour la peine, Polo est également devenu cuisinier. Hein, donc. Cuisinier en huile. Ah oui, cuisinier, effectivement. Bon, allez, on y va, ça y est, hop là, ça c'est fait. Encore c'est un truc. Que je les entends pas, t'sais, à côté, ouais, prends le tabasco, prends-le. Il a relâché. C'est pas vrai. On n'a jamais abordé ce sujet. Bon, on y va. Attention. Voilà, c'est un triple, hein, c'est ça? Ouais, c'est un triple. C'est un triple, ok. C'est un triple. Allez, on y va. Bon, ça y est, roux. Vas-y, pousse-toi. On n'a pas la nuit, vas-y. Mais après. Mets un peu de miel, mets un peu de miel. Non, on en fait qu'un, là. Mets un peu de miel, on va voir s'il va retrouver. Je l'ai pas entendu non plus, miel. Allez, on y va. Mets ta bouche en arrière, sinon on va en foutre partout. Ouais. En arrière. Non, il sait pas ce que ça veut dire. En arrière, je vois en fait. Plus je mets en arrière, plus je vois. Ferme les yeux. Bah oui. Ferme les yeux et mets-les en arrière. Non, mais c'est à cause du nez en fait, le truc il passe par au-dessus. En arrière. Non, mais vas-y doucement, tu vas encore. Tu vas faire de la merde. Mais vas-y. Allez. Allez. Allez. Plus vite. Mais oui, mais toi t'as plus de résistance. Roux. La tête en arrière. Oh, attention, bouge plus. Remets-toi vers l'arrière. Qu'est-ce qu'il est con. Remets-toi vers l'arrière. Tout est tombé sur ton pull. Ouais. La mort sur le bout du voilà. Pull. Eh ben, c'est bien mis. Eh ben voilà. Michael, le podcast. Et ce soir, on va recevoir un artiste qui a demandé à venir dans l'émission. Il nous a même fait un petit extrait. Un petit morceau de la chanson. Salut tout le monde, c'est l'Algérino sur la tête de ma mère. Une spéciale pour Michael d'énergie. C'est correct. Alors après ça on pouvait pas refuser qui vient évidemment hein. Bon l'Algérino, bonsoir, comment ça va? Ça va tranquille, détendu, bon, correct. Tu préfères l'Algérino ou Samir? L'Algérino, Samir c'est pareil. Bah écoute très bien, écoute, on va essayer de. Bah on va se souvenir des. Tu varies. Ouais voilà, c'est très bien ouais. Bon on regardait avant l'émission là, c'est un peu ton année là, ton nouvel album qui vient de sortir, le single sur la tête de ma mère qui marche plutôt bien. Marseille est premier du classement. En plus avec une. Pour l'instant. Je pense qu'on va rester premier jusqu'à la fin. Et grâce à Paris. Grâce à Paris, pour le coup. Marseille n'a jamais autant kiffé Paris, hein. C'est vrai. Je l'avais déjà Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était en 98, quand, en 98 99, ou 99, ouais. 99, ouais, ben, à cause de Paris. À cause de Paris, on n'a pas été champion. Non. Et là, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que moi, j'étais pas sûr. Ben, en fait, on était premier ex-aequo avec, avec Bordeaux. Ouais. Et il y avait 2-2, Bordeaux a joué à Paris. C'était le dernier match. Nous, on a gagné à Nantes. Et si Bordeaux faisait un match nul, ben c'était bon. Et là, ce qui s'est passé, c'est que après Simonet commençait à se détendre, à ne plus jouer. Et voilà, et non, Bordeaux a gagné. Voilà, tu auras bien deviné qui est donc le supporter du PSG. Le supporter du PSG. Ouais. Il a failli être ex. Ouais, mais non, voilà. Tu peux pas. Et puis là, ça l'a remotivé là. C'est vrai. Bon, et puis il y a aussi pour une option là pour le titre donc et l'Algérie hein, qui va à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que l'album continue à marcher, que sur la tête de ma mère rentre sur Énergie dans pas longtemps. Ah, déjà, il va passer ce soir. Ah ouais, ça c'est correct. C'est déjà pas mal. Super déjà correct. Pas mal, hein. Bon, et puis faut que je te parle d'un truc là que j'ai lu sur Wikipédia. Tu serais né à l'hôpital de la Belle de Mai. Ouais. Alors. Aucun rapport avec Stanislas. Et c'est qui Stanislas? Aucun rapport. Là, il y a pas de honte. Hein. Ouais. Non, bon. Je suis dans la Belle de Mai, gros quartier de voyous à Marseille. À l'époque. Ah ouais. À Pègre. Bon, et parce que quand on l'entend chanter, on dirait pas. Hein. Non, c'est pas très voyou. Vas-y, remets-le un peu. On sent pas le côté le côté chaud. Bon, et puis toujours sur Wikipédia, tu aurais fait tes études à Monaco. À Monaco, ouais, j'ai fait des études à Monaco. Non, c'est faux, vrai. C'est super faux. Et nous, on voit sur Wikipédia après nous. Ben, Wikipédia, si vous nous écoutez, je pense qu'il y a plein d'erreurs dans votre site là. Ben, j'ai fait mes études à Marseille. D'accord. Voilà. Très bien. Tu serais supporter de Nice aussi. du PSG. Et du PSG aussi. Tiens, un message d'ailleurs pour un fan du PSG. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Bon courage déjà. Gardez la pêche, les amis. Bon courage. Je sais que c'est très très difficile de supporter un tel club. Ils sont dixième, hein. Attention, presque. Ils sont presque sortis de la deuxième partie de tabac. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est bien, ça va. Nous, on est premiers, nous. Mais au niveau des titres, on se rattrape. Ouais, enfin bon. Paris aussi, ils sont premiers, hein, mais de la deuxième partie. Ouais, de la deuxième partie, c'est correct. C'est ça, chacun son premier placement. Bon, t'es là ce soir donc pour ton troisième album, Effet Miroir. Pourquoi ce titre? Effet Miroir. On a une catégorie de questions un peu bateau. Ah ouais, c'est là, non, parti. Effet Miroir, tout simplement parce que je pense que c'est un album dans lequel les gens vont se retrouver. Donc ça va parler à plein de personnes, il y a beaucoup de thèmes différents et les gens vont se retrouver dedans, donc c'est pour ça que je l'appelais Effet Miroir. D'accord. C'est alors, correct comme réponse. Ah bah écoute, ouais. T'as été découvert par Akhenaton donc du groupe IAM. J'ai vu qu'il était pas sur l'album. C'est en froid ou t'as non, préféré, pas voilà. du tout, pas du tout. Non, ben Akhenaton, on a travaillé ensemble sur le premier album. Ouais. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une structure qui s'appelait 361 Records, qui produisait donc l'Algérino, Psycha de la Rime et Chaîne Paille à l'époque. Ouais. Il a arrêté de faire la prod, il a continué à garder les éditions, donc on est resté en édition et nous a laissé libre de travailler avec qui on voulait. Certains ont voulu partir en major. Moi, j'ai décidé de rester dans un délire indépendant avec 609 et donc voilà, mais pas en froid du tout. C'est la famille. Big up Akhenaton, IAM. Pourquoi il a arrêté? Parce que ça rapportait pas assez de thunes. Mais disons que c'est disons qu'avec les psychiatres de la rime, que ce soit moi, psychiatre, on commence à prendre du poids et pour un label indépendant comme 361, c'était un peu difficile, d'autant plus qu'ils n'étaient pas sur Paris. Donc voilà. D'accord. Tu le tapes à PES ou pas? À PES, je l'ai fait la misère des raclés, de chez raclés. Gilles, si tu m'écoutes, rappelle-toi le 4-0, non, le 5-0, c'était pendant la tournée d'IAM. Tiens. En 2004, c'était tiens, exactement. En base de tiens. C'était ça. Bon, et du coup, t'as bossé avec qui sur cet album? Ben, j'ai bossé avec plein de compositeurs différents, notamment Core, qui a fait R&B Fever, Scalp, avec des jeunes producteurs, Enzo Vega, qui sont dans l'équipe, Traffic Music, des jeunes du 9-4, plein de compositeurs différents. Après, il y a des featuring comme Rai, notamment, Shep Halas, Reda Taliani, il y a Awa, il y a Nassi, il y a Alonso des Psychas de la Rime, qui est mon poteau. Et il y a de gros témoignages aussi. Comme je t'ai dit, l'album s'appelle Effet Miroir, donc j'ai fait intervenir des personnes qui n'étaient pas forcément des artistes, mais qui avaient des choses à dire. Donc, dans des morceaux comme Dérapage Contrôlé, il y a un témoignage d'un petit, d'un, on va dire d'un voyou repenti de Marseille. Et sur un morceau qui s'appelle Force et Honneur, tu as le témoignage d'un handicapé moteur. Voilà. D'accord. Et alors, j'ai un truc qui m'a étonné aussi sur l'album. En général, les albums de rappeurs, il y a des remerciements, t'as quasiment une page complète qui est pour ça. Ouais. Sur le tien, rien. Ben, alors, disons que j'avais tellement de gens à remercier que j'ai préféré remercier personne. D'accord, ok. Je me suis dit peut-être que t'avais trop de meufs, du coup, tu pouvais pas remercier les autres gueules. Enfin, tu vois, comme ça, quoi. Non, il y avait trop de noms et tout. En plus, ça fait bateau à chaque fois, dédicace, hein, ma famille. Oui. Hein. Bon, bref. Ah, je te confirme, ouais. Parce qu'on m'a dit que t'étais un bon et un grand dragueur dans le sud. Disons que, ouais, c'est vrai. Bon, on se débrouille pas mal. On se débrouillait pas mal. Maintenant, disons que je me fais un peu vieux. C'est pas qu'on a fait tous les clichés du Marseillais. C'est grave. Les jeux vidéo. Ouais. Tout à l'heure, je me suis dit, on va parler de gonzesses aussi. Ouais, on n'a pas encore parlé de l'alcool. Hein. Ouais, de l'apéro. Mais ça ne saurait tarder. Bon, on va vérifier justement à quel niveau tu te trouves au niveau de, l'amour. Au vas-y, niveau de la drague, puisque nous allons faire le quiz lover. Alors, pour draguer, t'es plutôt centre commercial ou rame de métro? Les deux. On va dire les deux, on va dire les deux. D'accord. Pour le premier encart, t'es plutôt DVD policier ou DVX d'action? DVX policier. Je suis plutôt voiture, moi. Je suis plutôt bien à faire un tour sur la corniche. Pour le premier resto, t'es plutôt grec ou McDo? Ou quick, hein, McDo. McDo, d'accord. Pour la première chanson d'amour, t'es plutôt Saint-Valentin d'Orelsan. J'adore les petites coquines avec des couettes et des fossettes, je te rends misérable. Tes copines vont t'appeler Cosette. J'ai des positions inconnues pour que tu goûtes au vrai bonheur. Ou Your Friends de TTC. Allez, je préfère ça, moi. D'accord, ok, très bien. Pour l'instant, on est au top du top du lover. Ah, on est au, c'est lover, ça. On est au top du lover, là. Au top du lover. Alors, pour le premier cadeau, t'es plutôt poudrillette ou collier de pâte? Ah, moi, je suis pas cadeau du tout. Ah, pas cadeau? Ah, pas cadeau du tout. Bon, il vaut mieux. Hein, et d'ailleurs, j'aime pas trop qu'on fasse des cadeaux non plus. Non plus? Ouais. Bah, très bien. Et je pense que t'es pas trop riette non plus. Ouais. Bon, alors, justement, c'est pour ça, faut l'offrir. Pour le premier câlin, t'es plutôt banquette arrière sur un parking ou siège passager avec vue sur la mer? On arrête tout, on arrête tout. Je dédicace déjà, je fais un gros bisou à ma femme. Et après, souvent, on parle du passé, tu vois. Donc, toutes ces histoires, moi, j'ai arrêté. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu plus. Allez, banquette arrière. Ah, banquette arrière, d'accord. Et alors, à petite dernière, pour la séparation, t'es plutôt SMS ou Facebook? Je suis plutôt wellou, moi. Ni SMS, ni Facebook. Elle n'entend plus parler de moi. D'accord, ouais. Ok. Bon, bah écoute, très bien. Alors, parfait. Je fais une chanson, je la clash et puis ouais. Bon, eh ben écoute, ça c'est. Je pense fait, qu'on a le top du lover avec nous. Ah, on a le top du lover. Sans bon, d'ailleurs, est sous le charme. Ah. Mais bizarrement, les filles préfèrent. Eh ouais. Faut les malmener. Elles aiment bien. Elles aiment c'est bien. Ça. Un mec qui gère comme ça, qui regarde le foot, qui joue à PES. En fait, si tu es trop, pas, généralement, ouais. Quand tu es trop à fond sur une fille, eh ben, elle te calcule pas trop. Ouais, mais quand t'es pas assez dessus non plus, si je peux ouais, me permettre. Mais disons qu'il y a un juste milieu à voir. Ouais, voilà. Il y a un juste milieu. Des fois, tu la calcules pas et de temps en temps, des petits moments de tendresse pour lui dire que voilà. T'as vu, Toff? Ouais. C'est bon, ouais. Prends des notes, prends des notes. Ouais, je note. Prends des notes. Je note, banquette arrière. Ouais, c'est ça, banquette arrière. De temps en temps, lui rappeler qu'on s'intéresse. En même temps, tu me diras que les femmes, elles aiment pas trop quand on est un peu trop docile non plus. Elles aiment quand. S'accrocher. Quand c'est dur. Prends note. Ouais, mais je prends des notes encore. Ok, bon, bah, très bien, parfait. Bah, prends des notes seulement. Bon, impeccable. Alors, ce que je propose, avant de continuer à parler de l'Algerino, c'est que tu fasses le morceau, justement. Ouais, si tu veux. Voilà. Alors, pourquoi le titre? Ben pourquoi le titre là? En fait, j'ai pas de raison spéciale, mais disons que j'étais à Marseille en train de jouer, au poker, parce que moi je suis un fervent du poker. Ah, t'as vu Sandro quand C'est bon. 1-2-1. Ok. Bon, on a arrêté PES pour le poker. Donc on s'est mis en mode poker et dans une soirée, j'entendais des poteaux qui étaient là en mode bluff et qui juraient sur la tête de leur mère qu'ils avaient tel jeu alors qu'ils avaient que dalle. Ouais. Et après il y a une gimmick qui m'est revenue sur la tête de ma mère. Après je suis rentré chez moi. Dormi et elle me hantait toute la nuit et le lendemain j'ai appelé Enzo pour une instru qui collait et on a fait le morceau en une journée et il s'est avéré que c'était le morceau un peu plus le plus magique quand on faisait des écoutes, c'est le morceau qui revenait le plus souvent. D'accord. On l'a envoyé sur le net, ça a testé bien, les gens ont été réactifs, on a fait un clip, ça voilà, là je pense qu'il a tout confondu 4 millions de clics sur YouTube. Ouais. Et après, par la force des choses, il est rentré en radio et les gens ont adhéré. D'accord. Bon, bah écoute, tu vas le faire maintenant, la limite, si tu veux, en live maintenant. Donc, l'Algerino avec Sur la tête de ma mère. Yeah. Ok, c'est l'Algerino. Sur énergie, hit music only, la famille. C'est correct, je te jure. Sur la tête de ma mère. J'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je le jure. Madame la juge, j'ai rien à voir, t'as du mal à me croire, je te jure. Journée de merde sur ma mère, rien à faire, je prends mon merco. Poste à fond dans la caisse, vitre baissée, le soleil frappe gros. Wesh gros bike, Marseille a recruté du lourd. Toujours les mêmes ragots, les mêmes têtes cramées en bas de ma tour. J'ai rendez-vous avec Samos et LS, gros gamos, polo rose, Ralph Lo, frais, Jeffrey, ok, Bamos. Chaleur caniculaire, faut que je me désaltère. Direction la plage des Catalans, Transat, ça va le faire. Sur le chemin de la playa, y'a plein de condés. Ça fait 10 mois qu'ils m'ont retiré mon permis de piloter. Contrôle de police, on me demande mes papiers, je donne le blaze du petit frère, rien à faire à Marseille, je suis cramé. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je le jure. Sur la tête de ma mère, madame la juge, j'ai rien à voir, t'as du mal à me croire, je te jure. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je le jure. Sur la tête de ma mère, arrête de hluff, hluff, arrête de hluff, hluff, arrête de hluff, hluff. C'est pour les mecs qui jurent la tête de ma mère. HLM au bord de la mer, un pied dans la mosquée, l'autre dans la mer, du terre, terre, terre, la tête de ma mère. Si ça défonce, c'est mon son, c'est du bon, n'aie pas peur d'investir dans nos rap, t'éron l'album de la bombe de chez Bom Bom Bom. Jour où là, la tête de ma mère, customisée. Flo remonté, les flics, on les fait baliser. T'es la bébé du site à le boule à Beyoncé, on n'est pas du genre à pigeonner. T'as écouté mon son à la radio, pour mes gadgets, pour mes gadgets. Tu peux me croiser à Clichy ou à Las Vegas, ma suite au Bellagio. J'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je le jure. Madame la juge, j'ai rien à voir, t'as du mal à me croire, je te jure. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je le jure. Sur la tête de ma mère, arrête de hluff, hluff, arrête de hluff, hluff, arrête de hluff, hluff. J'ai passé plus de 24 éternités en GAV, questionné, mitraillé, ça sentait le poulailler, boumaillé, droite, gauche, je me serais vu les foudroyer, yeah, la la la la volaille, j'ai du mal à les côtoyer. On a tous une couverture, quand je branche une gadi, je m'appelle Mehdi, t'auras beau être la plus belle, t'auras jamais ma carte de crédit. Barbecue, sauna, jacuzzi, oui c'est heavy, mon public passe l'été à Marseille. Si la famille GSXR, roue arrière, torse nu, les becs en l'air, à Marseille on est des fous, des barges, on roule en ville, en marche arrière. Yeah, yeah. L'été sera chaud dans le terre-terre, l'Algérie en coupe du monde frère. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je le jure. Sur la tête de ma mère, madame la juge, j'ai rien à voir, t'as du mal à me croire, je te jure. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je le jure. Sur la tête de ma mère, arrête de hluff, hluff, arrête de hluff, hluff, arrête de hluff, hluff. Yeah, c'est l'Algérie, non l'album est dans les bacs, ça se passe sur énergie, ok, yeah. Arrêtez de jurer sur la tête de vos mères, y en a même qui jurent sur la vie de leur mort, c'est correct, yeah. L'Algérie, non, Marseille. Yeah. Le son en live de l'Algérie, non, sur la tête de ma mère. Alors, quelles sont les aspirations de l'Algérino? Ça, ça fait partie d'une autre question, oui, bateau. Il n'y a hein. pas de souci. Voilà. Non, c'est pas une question bateau. Je bah, disons que c'est une question bateau. Qui revient souvent, mais qui n'est pas. Mais c'est une question correcte, on va dire. C'est vrai. En fait, je m'inspire de tout ce que je vis, de tout ce que je vois, de tout ce que, de tout ce qui me touche. Voilà, quoi. C'est un peu. C'est un peu. En fait, quand tu écoutes mon album, en fait, tu te retrouves un peu dans la vie que je mène, dans ma vie de tous les jours, quoi. Ce D'accord. que je vois, ce qui me touche, Marseille, voilà, quoi. Oh, tu vas nous faire un nouvel album quand ils ont été champions de France, quoi. Ah, là, on a plein de choses à dire. C'est ça qui est bien. Quand ça évolue, j'ai plein de choses à dire. Si tu veux, il y a Roux qui veut faire un featuring. Hein, ici. Ah ouais. Mais c'est exceptionnel. Le seul titre qu'on peut se faire, toi et moi, mon ami, c'est le Clash Paris-Marseille. Sur PES, voilà. C'est dommage qu'on ait pas ça. Ah, ah ouais, non, c'est bien pour toi. Hein. Ah non. Ah si, si. Sur PES 2010, ça va. Uh-huh. Ouais, ouais. Bah au moins sur PES on peut gagner. Ouais, ah oui, c'est au moins ça. Ah bah il faut partir, comme ça de toute façon, t'as pas trop le choix. Encore, je sais pas si il y a un bug. C'est-à-dire que PSG ne gagne jamais contre l'OM sur PES. N'importe quoi. Si, il y a un bug, ma parole. Non, il a déjà joué sur la tête de ma mère. Voilà. Tout seul, sans personne en face, ça marche. Ouais, ça marche. C'est horrible pour les supporters parisiens, ils sont obligés de ramper à chaque fois. Ouais, ils sont obligés de s'exprimer. Mais tu sais quoi, alors je t'explique. C'est vrai qu'à l'époque, la grande époque, 93, c'était l'OM en haut de l'affiche et tout, mais à un moment donné, on avait reçu des tartes avec cet enfoiré de Ronaldinho qui nous faisait mal. même à domicile. Ah, très mal. Donc ouais. Maintenant qu'on est qu'on est en haut de l'affiche et qu'à chaque fois on s'impose au Parc des Princes et que Paris ne peut plus rien faire contre nous, on en profite. Voilà. En plus c'est l'esprit marseillais de fanfaronner un peu là. Ouais ouais, bah ils ont raison pour la peine. Dis-moi juste un truc, en tant que supporter marseillais, quand Marseille va mal, ouais. Bon, si plusieurs fois ils ratent, bon, tu continues à les supporter. Ouais, on supporte, mais ils en prennent, ouais, ils en prennent voilà. Pour leur grade, voilà. Les joueurs, les entraîneurs. Ouais, bien sûr, ouais, toujours. Est-ce que par exemple, comme un gars que je connais, par exemple, pour un dernier match Paris-Bordeaux, par exemple, t'auras pas été Attention, remets dans son contexte. faut remettre dans le contexte. Déjà, en plus, j'étais persuadé que c'était dimanche dernier. Ah bah d'accord. Alors, comme un con. Bref. Comme un con alors. Tu sais que t'as plus rien à jouer. Tu sais que depuis le début de la saison, tu mets 35 euros dans chaque match. Je vais t'expliquer. Moi, je suis quelqu'un de cru, y a pas de problème. Si je vois que l'équipe elle va mal, même si je les supporte dans mon cœur, je vais pas aller me casser la tête, aller voir un match de merde. Voilà. Moi, je vais te le dire franco, y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai qu'on supporte. Mais après, voilà quoi. S'ils font pas le taf, je vais pas me déplacer pour eux. C'est logique quand même. Oui, oui, oui. Ouais. Le pire, c'est que je l'ai toujours dit au roux, mais là, je suis maintenant persuadé que Paris aurait pu être champion de France si t'avais pas été les voir. Chaque fois que tu vas pas les voir, ouais, il gagne. T'as raison. Ouais. À chaque fois que tu vas pas, il gagne. Peut-être que t'es le chat noir alors. Ah ouais, c'est la. Mec, l'année où je suis né, ils ont été champions. T'as vu, depuis Saint-Bram. Ouais, c'est une catastrophe. Vachement vieux en fait. Et juste une question comme ça. Ils vivent comment les Marseillais, que ce soit une meuf qui détienne finalement l'OM maintenant? Bon, franchement, ça c'est pas une question qu'on se pose. Parce qu'on sait très bien que c'est pas la meuf qui détient Marseille. Il y a plein de choses qui se passent dans les souterrains de... Ah, mais explique, De quoi t'as entendu parler? Disons que c'est un peu le milieu qui tient de Marseille, tu vois. Après, il y a des petites marionnettes qui sont là, qui c'est beau, c'est correct, tac, tac, mais voilà quoi. Ils ont fait comme avec Ségolène, t'as vu? Voilà, c'est un peu comme ça. C'est ça, ouais. Bon, et sinon, est-ce que t'as des projets, des tournées prévues Je suis en concert dans toute la France, Belgique, Suisse, Canada et aussi au Maghreb. Et au Canada et tout? Ouais, grave. Ah, j'ai vu d'ailleurs sur l'iTunes Store américain, t'es en vente aussi sur l'iTunes Store américain? Ah, carrément, quoi. Ah, c'est fort. Et je savais pas ça, on est bien classé. Mon producteur, on est bien classé au State. C'est correct, tu viens de me dire qu'on est troisième juste derrière Rihanna. C'est correct. Et devant Beyoncé. Et putain, ça c'est la classe. Énorme, hein. Énorme. Ça c'est énorme, la classe, ça c'est la classe. Non, mais il y a. Il y a une raison à la vente aux US parce que... Et apparemment, le morceau, ils prennent... c'est la folie. Hein. Et ils savent ce que ça veut dire. Ben non, mais en fait, c'est juste la gimmick sur la tête de ma mère. Et voilà, c'est... On a les potions magiques dans bon, tout par ça, contre, malheureusement, tout le titre est bipé. Donc, c'est un malheur. Aux États-Unis, on n'a pas trop le choix. Voilà. Donc, c'est un bip, en fait, qui est peut-être numéro 1 au final. Mais c'est la première sonnerie. C'est la première fois que tu vas aller au Canada. Non, je suis déjà allé. Non mais pour la musique. Non, je t'explique. Oui, bah oui, nous, rappeurs, nous, en tout cas, à Marseille, les rappeurs marseillais ont toujours eu plus ou moins la cote au Canada. Et depuis que j'ai sorti mon premier album, il a tourné là-bas et tout. Donc, on est parti faire des tournées là-bas. Même l'année dernière, je suis parti aussi avec Cynic. Et voilà, je crois que ça va faire la cinquième fois que je vais au Canada. On a même fait une tournée l'année dernière, Montréal, Sherbrooke, Québec. Putain, je pensais pas que ça marchait. Disons qu'il y a une grosse communauté francophone. Ils écoutent du rap américain, mais ils écoutent beaucoup de rap français. Surtout kiffer d'entendre un rap québécois. Oh. Il y a monsieur Roy Enoch, je sais pas si tu connais, non. Il fait du rap québécois. Avec l'accent ou pas? Avec un accent, mais pire que bizarre. Attends, je vais le chercher moi le dos. Attends. Selon ma convention. C'est surtout qu'ils comprennent rien à ce que tu racontes là-bas. Parce qu'ils ont tellement un français. Chelou. Non, quand même. En fait, ils nous comprennent très très bien. Nous, on a du mal avec eux. Ah ouais. Nous, parce que j'y suis allé une fois et c'est dur, hein. Ah ouais, c'est... C'est connu. Le roi Enoch. Ah oui, le roi. Le DVD est pas mal, hein. Ah, il a vendu. C'est pas mal, ouais. Selon ses sources à lui, il aurait vendu 1 million de micros. Ah ouais, selon la police. Et ouais, attends, c'est quoi comment ça s'écrit le bordel là? Roi, le roi comme un. Ouais. Ah Enoch, voilà. Ah putain, je tape roi direct, je tombe sur Enoch. Waouh, attends, je tape YouTube. Hein, on va essayer de trouver le bordel en direct. Hop là, voilà. Alors, je suis curieux. Hein, j'avoue que j'ai jamais essayé. Hein. Alors. Il y a Chirac sur la pochette. Roi Enoch et Booba, dis donc. Oula. Alors, Roi Enoch, t'entends, c'est ça, c'est t'entends. Très bien. Allez, vas-y, hop, on fait péter le bordel là. Voir ce qui sort de ça. Attends. Ah, le son est très bon déjà. T'entends pas, tabarnak. On sait pas trop si c'est de la musique ou un film Montréal, de cul. Montréal, Paris, t'entends. Montréal, Paris, Roi Enoch, exclusivité, t'entends. Tous vos petits fanatiques. C'est un marrant. Voilà, ici direct à Montréal, à tous les amateurs de hip-hop. Ouais, attends, on va te mettre plus loin là. Alors quoi Ah, ça redémarre au début. C'est un reportage. Ah merde, ouais, c'est un reportage. Attends, ah, ouais, attends, on va trouver là. On va trouver. Ben non, on trouve pas. Attends, c'est quoi le titre? Tu connais peut-être un titre? Ah, je connais pas. Pour connaître ces titres, c'est dur. Ah ouais, ouais, non, mais si vous voulez rire, faut taper à la maison, taper sur YouTube. Vous allez taper des barres de rire. Il y a plein de vidéos. Ah ouais, grave. Mais lui, depuis 2005, je le connais. Mais je pensais que c'était un sketch, moi, qui faisait. Mais au départ, tout le monde pensait que c'était une farce. Et en fait, le mec était super sérieux. Et il est apparemment il est dans le game. Et sur sa pochette, il est quand même écrit le roi Enoch est au rap francophone, ce que Van Damme est au cinéma. Voilà. Ah ouais, tu vois le délire. Alors ça va, alors on est bien. Ça demande à toutes ses chances. Ouais, tu m'étonnes. Il faut peut-être qu'elle s'exporte au Canada. Ah merde, je trouve pas, je suis déçu. Hein. Ah. Bah, j'ai roi Enoch et Booba, attends, je vais voir ce que c'est. Roi Enoch, tu m'as amené quelques morceaux là. Et montrer à tout le monde comment qu'il a rentré son médaillon à 2000 piastres. C'est pas crédible. À l'intérieur de son t-shirt. Bon, bah, c'est à l'intérieur de son t-shirt. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause. J'ai encore 2-3 trucs à te faire écouter. Puis ouais, on va essayer de trouver aussi une vraie. Un titre, quoi. Un vrai titre. Un vrai titre. Putain, je suis curieux de. Mais il a pas de vrai titre, lui, qu'il envoie des petits couplets. franchement, en fait, lui, c'est plus un showman qu'un rappeur. Et en tout cas, c'est j'ai trouvé correct. Vas-y. J'ai Roy Enoch Freestyle MTV. Oh, ça, c'est énorme. Vas-y. Ah ouais, ouais. Attends. Il va encore nous faire une interview là, tu vas voir. Attends. Si tu regardes Mouloud TV, tu es un gangster et un gentleman. Et les gangsters et gentlemen sont des députés à MTV. La nouvelle mère. Ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelques instants. Ah, on va suicider là. Mouloud TV. Qui est le seul à faire pomper ton adrénaline sans utiliser de morphine qui t'élève comme l'héroïne, la musique l'opium. C'est génial. Ton idole, la chaîne. tu vois un peu son. Ah ouais, putain, et franchement, ouais, on va se mettre au rap, hein, on va aller la dalle. On va trouver les dos. En plus, il avait un buzz de malade. Disons ah ouais, que ce mec-là, s'il savait rapper, ce serait le meilleur. Moi aussi, mais le pour un rappeur, c'est dommage. Mickaël, le podcast. Bon, sinon, donc on a un petit rappeur en fait qui est là. Tu l'as beaucoup inspiré. Il a insisté pour te faire découvrir des morceaux. Donc on a le Belgino qui est avec nous. Le Belgino est avec c'est nous. C'est le Belgino et donc. Bon, sans lui, ça va. Voilà. Oui, le Belge. Sans lui, tu vas bien toi. Et donc il a un petit son à te faire écouter, tu nous diras ce que t'en penses juste allez, après. Allez, vas-y. On y balance le son. Ouais, le Belgino, sur énergie, énergie, ouais, Mickaël. Mon père, c'est aussi mon frère, du monde dans la voiture, on va les faire un tour, je te jure. Mon père, c'est aussi mon frère, je sais même plus qui est qui, entre papi, mamie, je te jure. Mon père, c'est aussi mon frère. Le remix de Belgino qui est simplement grandiose. C'est correct. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Ouais. Bon alors, t'en penses quoi concrètement La bonne grosse merde. Ouais. Tu parles des textes, pas de l'instru quand même. Ah non, l'instru, elle est correct. Bon, elle est bien. Et puis on a un deuxième, on a le Vulgarino aussi qui est là. Allez, on t'a vu. Ça, tu vas bien, tranquille. Bon, et Vulgarino, vas-y. Vas-y. Oh t'as vu à tous les bouffons, toutes les bouffonnes. T'as vu c'est pour un Mickaël. Yo, l'Algérino aussi sur énergie. Ok, correct. Sur la chatte à ma mère, y'a plein de gars qui sont passés. Le prof et le plombier, je te jure. Sur la chatte à ma mère, y'en a tellement qui l'ont retourné. Je crois que je ressemble au postier, je te jure. Je sais pas c'est qui mon père. Oh putain. Mamma mia. Est-ce qu'il a une carrière à un featuring éventuellement à faire avec toi? Je suis pas d'accord avec le discours là. Moi non plus. Ah, le premier t'étais d'accord. Le premier sans passer. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. T'as raison. Ouais, c'est ça. Vulgarino, repositionne ta carrière. Ah ouais. À part de là, il faut que tu te repositionnes. Ouais. Okay. Bon, t'as compris Vulgarino? Ok, t'as vu. Sinon Belgino, pas mal. Bon merci on l'a eu. Ouais, c'est ça. Ouais, casse-toi. Bon, sinon t'écoutes quoi comme musique? Que du rap ou t'écoutes? Non, franchement, j'écoute de tout. J'écoute, ça m'arrive d'écouter les anciens classiques de la variété française, Brel, Charles Aznavour, Cindy Sander, à fond sur la corniche avec les vitres ouvertes, Laurie, à mes heures perdues. Ah ouais, mais elle est de retour. Hein. Elle est oh putain, merde. Ouais, ouais, ouais, moi, mamie, quand j'ai vu l'info, c'est en fait l'info est arrivée le 1er avril. Je me suis dit, oh putain, elle est bonne. Ben non, c'est vrai. Donc, un drame, quoi. Mais sinon, j'écoute de tout. J'écoute beaucoup de rap, du rap américain. J'écoute j'écoute du rail aussi. J'écoute selon le contexte de la house, voilà quoi. D'accord, très bien, j'suis parfait. Très ouvert et très éclectique au niveau des chansons que j'écoute. D'accord, et si tu peux choisir un titre ce soir, tu prends quoi au hasard? Sauf un morceau à toi. Qu'est-ce que je veux Ah, c'est dur. Vulgarino. Par exemple, le Roi Inouk là. Non, le Roi Inouk c'est de la merde les mecs, c'est de la merde. Mais pour un petit morceau d'IAM, Demain c'est loin, ce serait correct. Ah bah si tu veux, ouais. On a ça en machine ou pas? Oui, on a ça, on a ça. Bon bah très bien, parfait. Par contre, tu sais pas le temps qu'il c'est long, c'est très long. Enfin bon, c'est pas grave. Ouais, si tu as 8 minutes, correct. Oui oui, bon, on mettra en fin d'émission comme ça, on est. Allez, ça marche. Bah voilà, on fait comme ça. Bon, alors où est-ce qu'il est? Et, ah, il y a Polo qui est là-bas dans le fond, et donc il a une émission qui dure 2 minutes juste après la nôtre, et qui démarra très très tard, puisqu'il y a Ayam Go, enfin, c'est pas grave, donc qui est le Popolo Show. Le Popopo Polo Show. Donc c'est un, ça ne sert à rien, ça dure 2 minutes. Okay. Donc on a quelques petits exemples, si éventuellement tu peux faire un petit jingle pour le Polo Show. Pour le Popolo Show? Ouais, alors, c'est genre, bah voilà. CMP 314. C'est l'ordre cosinus. Ouais, c'est PPG. Il est Polo Show. En impulsion collective. En direct sur énergie. Pour le Popopopo. Polo Show. Bonjour, Polo Show. Voilà, bon après tu fais comme tu sens évidemment. Ouais, ouais, tu veux que je le fasse maintenant là? Ah ouais, ouais, tu peux le faire comme ça. C'est l'Algérino, ça se passe sur énergie, c'est pour le Popopolo Show, c'est chaud, c'est correct. Mais tu vas le refaire parce que j'ai parlé dessus. Ouais, ah ouais, merde, ouais, ouais, ouais. Et je tiens à préciser qu'il adore Marseille, donc si tu peux en mettre une couche. Ah ouais, okay. Il est sur fan de Marseille, tout ça quoi. Ok, c'est l'Algérino sur énergie, c'est pour le Popopolo Show qui est fan de l'Olympique de Marseille, c'est correct. Très bien. Bah, je pense qu'avec ça on va pouvoir faire quelque chose de pas mal hein. Je pense que ça va être pas mal du tout effectivement, ouais. Bon, et j'ai oublié un détail en fait, con, mais le morceau que t'as choisi, Ayam, il y a deux solutions en fait. Tu peux choisir un morceau ou épiler le cul de Tof. C'est ça la tradition. Je préfère choisir un morceau. Ah, je suis déçu hein. Quitte à mettre du Lori même si tu veux. On avait la cire et tout hein. Oh, tant qu'il voit pas son cul les c'est malheureux. Surtout que là ça fait longtemps qu'on a plus. Ouais, ça fait longtemps, il commence à y avoir des poils là. Ouais, ouais, bah, ouais, plus ouais. Aucun artiste qui veut le faire. C'est bizarre hein. Ils ont tous vu des photos la dernière fois. Il y a qui a accepté? Personne. Personne. Ah, okay. Bah du coup quand il y a personne qui accepte après 2 mois, bah c'est Rookie passe voilà, quoi. Fait nous. Voilà, c'est ça. Ah oui, bon, on n'a pas le choix hein. On n'a pas le choix avec les moyens du bord. Bah ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, on t'offre le DVD hein. Oui, ça marche. Inok, le DVD du Roi Inok. Allez, hein, les mathématiques du Roi Inok. Voilà. Avec lequel tu es venu. Mais attends, juste un truc. Pourquoi il est venu avec ça? Mais je sais pas, je crois que c'est mon producteur Karim qui était avec ça. Ah, il faut le remplacer hein, parce que s'il compte le lancer en France. Mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Est-ce que tu as mon CD d'abord qui est dans les. Hein? Attends, il va le chercher, il va regarder. Ah bah non, merde, je l'ai pas. Et voilà. Il a l'album de l'Algérino, l'effet miroir qui est dans les bacs. Est-ce que t'en as d'autres? Non, c'est pour savoir combien on peut en offrir. Ah, il a celui de Cynic aussi. Et de l'Algérino, on peut en offrir combien? À savoir que... On le DVD du roi. Elle est très dure le Bilkus là. Très très très très dur. Non mais c'est pas grave, tu peux les envoyer, tu peux les envoyer pas après hein, on doit pas les envoyer le jour même hein, t'inquiète pas, on a un peu de temps. Ah et ça marche. Donc mais ouais, ça ne dit pas combien. Combien de quoi? De CD? Ouais. Avec le patron. Ben je pense qu'il y en aura 2-3 et tout le reste est dans les bacs. Fnac, Virgin. Alors on en aura 12,99€. On n'en aura jamais eu si peu. Ah ouais, là c'est peu là. Mais au moins il est pas comme les autres maisons de 10, tu vois, il dit 3 mais parce qu'il peut pas en donner plus. Voilà, peut-être. Voilà tu vois. Ah, si, il peut. Bah non, ouais, peut-être qu'il dit 3 mais on en aura qu'un. Ouais, c'est vrai. C'est possible parce que les maisons de 10 en général c'est ouais on t'en file 100 et puis après on en reçoit 5. Non, voilà, par contre on a une parole, quand on dit 3, c'est 3. Ah ouais, c'est pas la tête. C'est pas la tête. Et il te met un acompte tout de suite, il t'en donne déjà. Wow. Ah ouais, ouais, sinon t'offres un album par but de l'Algérie à la Coupe du Monde. Ouais bah non. Ouais. Ça taille. Bon, ok, pour l'Algérie en Coupe du Monde, déjà on y est, c'est l'essentiel. C'est déjà ça, voilà. Effectivement. L'essentiel, c'est qu'il y a la France, ma douce France, qui est en Coupe du Monde. Il y a l'Algérie qui est mon pays d'origine qui est en Coupe du Monde. Donc on va faire la fête. Et tu pleures le fait qu'il n'y ait pas la Belgique. Merci. Merde la Belgique. Putain. Ah, j'attends le match Algérie-États-Unis. Algérie, ils vont les seuls. T'es pas le seul, je te confirme. On va voir. Bon, Héro, allez, Marseille, ils seront champions normalement. Marseille, on sera champion, ne vous cassez pas la tête. On sera champion. Le Roux a pas l'air d'accord, hein. Roux? Ouais, non mais. Allez Marseille! Allez la France! Et allez les bleus! Et allez les bleus! Non mais pour le. Là pour le. Allez les bleus clairs, voilà. La Ligue 1. Bleu ciel. Allez les bleus ciel. Ah, c'est tout. Non, je dirais pas. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je dirais pas le mot. C'est déjà pas mal, il a pris beaucoup sur lui là. Hein. Non, je dirais pas le mot. N'importe quoi. Alors. C'est normal. Ouais, vas-y. Demande un support. Non, je dirais pas. Aéro! Non? Allez! Allez Paris! Allez Paris! Ouais, bon. Ça, allez loin, moi. De toute façon, ils en ont plus besoin que vous. Allez, Paris. Ouais. Et, tu sais, en ce moment, le pauvre cynique, il est en pleine dépression. Ouais, ce qui est pour Paris aussi. Là, tu vois, il est pas bien. Des fois, je l'appelle. Je dis, mais c'est pas grave. C'est les épreuves de la vie. Attends, ça endurcit. C'est dur. T'as vu le match de Marseille? Ouais, exact. Tu as vu, c'était chaud 4 heures. Et là, bon, mais bon, c'est pas grave. Un drame. Enfin, bon, écoute. Bon, merci à toi d'être passé. Merci pour l'invitation. Et puis, bonne chance pour la suite. Et puis, tu repasses à l'occasion. Hein. Ouais, y a pas de soucis. Bon, tu repasses quand Marseille sera champion. Oui, on repassera, sûr et certain. Oula. Quoi ouais. On risque de te revoir au prochain album. Ouais, je vais vous dire un truc. C'est, en fait, il y avait une malédiction sur l'Olympique de Marseille. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas eu de titre. Et avec cette Coupe de la Ligue, qui est une coupe merdique, certes. Ouais. Ben, ça nous a enlevé ce sort là. Et tu vas voir que on va être champion. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus merdique les années où l'OM la gagne pas. Ouais. Tout le monde s'en branle de cette coupe. C'est vraiment une coupe de merde. Ouais. Et aussi la L1 aussi, ça fait pas rêver aussi. Tu vois, il y a eu qu'un match extraordinaire. C'était Lyon-Marseille 5-5, ouais. C'était beau. Mais sinon, je préférais regarder Barcelone. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Sandro? Rien à foutre. Hein. Ah ouais, rien à foutre. C'est pour savoir. Très bien, parfait. Non, il y a un truc que je regrette en France, c'est que j'ai vu un match à Barcelone, c'est ça? Ouais. Et c'était un vrai spectacle. Ah oui, bah oui. Bien sûr. Pour les filles, t'as plus envie de te mettre dedans, quoi. Ah, dedans. Ah ouais, ouais, ouais. Carrément. Dans le foot, hein. Ah ouais. Ouais, dedans. Ça change de l'OM. Bah oui. Bon, parfait. Allez, merci à toi, donc, d'être passé. Et puis, donc, l'Algerino, l'album dans les bacs. Voilà. Et 3 albums à offrir. Voilà. Putain, ça fait et tout le reste est à la Fnac et à Virgin. Ouais, c'est pitié, ça, c'est quoi. One Prix, viva l'Algérie. Là, pour le coup, on va devoir faire un tirage au sort. Hein. Ah ouais, là, ouais. Et en gros. Ah ouais. Là, pour la peine. Bon, allez, 612, débutez par énergie. Et puis vous mettez Algerino avec vos coordonnées complètes. Non, vous mettez crevard. Ouais, 612, débutez par énergie, puis vous mettez crevard. C'est une tailleuse, là. Oh là là. De quoi? Bah, les mecs de Maison de Disque qui disaient qu'ils filaient des albums, ils en filaient pas, c'est ça? Ah ouais, c'est vrai. Voilà, donc nous on en file 3 déjà. C'est vrai, c'est pas mal. 3000. 3000. On en a réinjecté en plus, c'est vrai, parce qu'on était en rupture de stock. 3000 CD de plus dans les bacs. Ouais, allez-y. Faites-vous plaisir. C'est ça. Bon, allez, salut à toi, bon retour à Marseille. Oui. Et puis allez, Marseille, en haut. Allez, on revient après l'affût. Allez, l'OM. Si, ciao. Allez, ciao. Mickaël, le podcast. Comme tous les soirs, il est l'heure maintenant de passer au chéri, je t'ai fait cocu. Chéri, je t'ai fait cocu comme tous les soirs. Enfin, tous les soirs ou presque, avec le GAV qui se bat un duel avec le scooter qui est à gagner ce soir. Bon, Michel, est-ce qu'il sera premium? Il sera comment? Silver, gold, platinum? Là, c'est du gold, hein, c'est de la mine d'or. Là. Ah, c'est du gold, donc c'est moins bien que le platinum quand même. Hein. Ah bah non, pour moi, le gold, c'est mieux que le platinum. Ah bah non. Oui, enfin, c'est du gold platinum, quoi. Ah oui, donc c'est... Ouais. Enfin, c'est il sera bon. Quoi. Donc, on n'est pas la brique ce soir, rien du tout, en fait. Mais d'accord, non. Ok, très bien. Bon, il y a Nadine qui est là maintenant pour jouer. Salut, Nadine. Bonsoir. Comment ça va? Bien, et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien, tranquille, Nadine, tranquille. Bon, t'appelles du 31, c'est Lagardelle sur l'Aise, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur l'Aise ou sur l'Aisée? Sur l'Aise. Sur l'Aise, d'accord. Donc je l'avais bien dit la première fois, c'est pas mal. Bon, Nadine, on va faire un petit chéri, je t'ai fait cocu. Avec plaisir. Comment ça va se passer? Alors, t'es avec ton mec depuis combien de temps? Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, d'accord, ok. Vous êtes rencontrés donc il y a 2 ans ou il y a beaucoup plus longtemps et vous êtes mis ensemble il y a 2 ans? On s'est rencontrés il y a 2 ans parce qu'en fait, on est quand même un décalage sur l'âge, mais il vit dans le même village que moi. D'accord, c'est-à-dire qu'elle a quel âge, lui? Il a 18 ans. Oh là là, t'avais 21 ans et tu sortais avec un petit 16? Eh ben oui. Oh là là là là, c'est du détournement de mineur, ça, Nadine. Hein oh. Ah bah ouais, mais bon, en même temps, t'avais 21 ans, lui, il en avait 16. Ouais, mais c'est bon, maintenant, il a 18. Oui, et bah maintenant, il a 18 ans, ouais. Bon, d'accord, ok, très bien. En général, les meufs, elles préfèrent plutôt les mecs plus âgés, tu vois. Bah moi je le trouve très beau. Ah oui, non, mais ça, je ne dis pas le contraire, hein. C'est juste qu'en général c'est comme ça, mais après je veux bien le croire, il n'y a pas de problème. Bon, alors comment on est censé s'être rencontrés? Qu'est-ce que tu as prévu comme plan pour le rendingue? Donc en fait, normalement cette semaine je suis censée être en formation pour mon travail, et en fait non, je suis partie une semaine en vacances avec Cédric, qui est censé être mon collègue de boulot. D'accord. Et qui est en fait mon copain depuis 2 semaines, et voilà. D'accord, ok, et très bien. Et toi, c'est Cédric. Moi, je suis Cédric. D'accord. On travaille dans quoi? Normalement, on est préparateur en pharmacie. Ah, d'ailleurs, en pharmacie, donc on va pas rentrer dans le détail. Parfait. Et je suis censé habiter où? Normalement, on est parti sur la côte basque. Sur la côte basque. D'accord, ok, très bien. Mais où ça exactement, Tessim? Ah, genre, on est parti ensemble, là, pour quelques jours? Voilà, tout à fait. Ah d'accord, ok, très bien, parfait. Donc on est ensemble, parfait. Bon, eh ben écoute, Nadine, on va y aller, on l'appelle. Au plus, t'arrives à le rendre dingue. Au plus, t'as de chance de repartir avec le scooter, ok? Ah, avec plaisir. Oui, ben on va voir, hein. Bon, on y va, faut d'abord que ce soit drôle pour ça. On y va, Nadine? Oui, oui, oui. Bon, et comment il s'appelle au fait? Raphaël. Raphaël, d'accord, allez, c'est parti. Plutôt le fixe ou plutôt le portable? Ouais, je conseille le portable. Le portable? Allez, on y va, on l'appelle. C'est parti, au plus il s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec le scooter. Bonne chance, Nadine. Et si je te parle, bien sûr, tu es censé me répondre puisque on est censé être dans la même pièce. Oui. Allez, vas-y. Mon cœur? Oui, bébé. Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Ouais, je suis au soleil, là, nickel. Bon, je t'appelle parce que ça y est, j'ai pris une décision. J'espère que ça va aller. Donc, je suis partie normalement en formation, tu sais. Et puis, en oui, fait, ça va non, aller, oui. J'ai changé d'avis. Je me suis dit, pourquoi pas, je suis encore jeune et toi aussi. Donc, je suis pas partie toute seule. Mmh, ouais, avec qui? Je suis partie avec Cédric. Cédric. Et Cédric. C'est le mec qui m'a envoyé des messages, tout ça. Ah, ton collègue de boulot. Ouais, mais je t'ai menti, c'est pas mon collègue de boulot. Ah bah si, on était sur ses collègues. Ouais, c'est qui alors? Non, mais elle veut dire que c'est pas ça. Pour l'instant, c'est d'accord. Mon nouveau copain. Allez, bonne ta blague. Arrête de fumer. C'est pas une blague dans mon cœur. Puis, c'est marrant parce qu'avec l'accent, aussi. Ça fait pas crédible. Non, c'est pas une blague du tout. Voilà, on est parti au soleil, tout ça. Et puis, bon, il est top. Hein. Bon, je sais que t'es encore jeune, tu peux trouver d'autres filles. Tu sais, ouais, non, mais, nage. D'accord, mais qui te dit que je suis pas bien avec toi? Et c'est quoi ce bordel? D'où? Je comprends pas. Oh, mais là, je suis avec... Bon, Nadine, t'as bientôt fini ou pas au téléphone? Ouais, j'arrive, mon chéri. Non, mais faut qu'il se calme. D'où il t'appelle chéri? Bah écoute, je suis avec lui, je suis en couple, je t'appelle pour dire que... Ouais, t'en voilà, fous mon cul, c'est ton âme, hein, ouais. Putain. Bah... Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Bah écoute, il m'emmène au resto et tout. Bah, en même temps, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que l'autre, il avait 18 piges, il pouvait pas t'emmener quelque part. Il veut demander l'autorisation de papa et maman, donc bon. Il est gentil. Non, mais il a vu la vierge. Attends, combien de fois on a bouffé au resto ensemble? C'est quoi ce bordel? Et en plus, il se la pète parce que le type, il est sous, c'est bon, il a quel âge aussi? Bah, il a mon âge, il a 23, 24 bientôt. Ouais. Écoute, il a une super voiture, je m'éclate avec lui, il sait faire plein de choses, il a l'expérience aussi. Oh bah lui, il doit avoir une belle voiture aussi, un truc avec plein de place à l'intérieur où tu dois prendre un ticket, c'est bien. Ouais, t'es marrant, garçon. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il dit juste que t'es marrant, il est jaloux. Ouais, il a oh, non, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Ouais, ouais, c'est pas une guerre, là. Bon, passe la boîte deux secondes là, on va pas y passer à lui. Ouais, c'est pas sûr, pas sûr. Allô? Ouais, Cédric, c'est toi? Hein? Ouais, et alors quoi? Toi, Cédric. Et alors quoi? C'est toi qui pique ma meuf, hein, comme ça? Non, mais c'est pas ça, elle est venue, voilà, moi je l'ai accueillie, hein. Ouais, était... tu l'as accueillie à bras ouverts. Ah ouais, bah y a pas que les bras, hein, en tout cas de mon côté, ouais. Enfin de son côté plutôt, hein, si je puis me permettre, quoi. Oui, bah écoute. Non, mais elle m'a dit que ça faisait deux ans déjà, bon, tu sais, il y a un moment, faut pouvoir tourner la page. C'est bien, deux ans, tu vois, j'aurais bien aimé que ça continue. Mais oui, mais t'es encore petit, après, t'auras l'occasion d'en trouver d'autres. Ouais, j'ai pas une bicyclette non plus. Mais oui, bah ouais, bah, justement, t'as le permis ou pas déjà? Hein? T'as le permis ou pas déjà? Bah non, pas encore. Ah bah voilà, ouais, en plus tu l'as pas. T'imagines que là tu l'as pas. Il faut que tu le passes. Pendant deux ans, tu vas te taper la honte là avec un petit A derrière là, elle va passer pour une idiote. Non, écoute, je comprends son... Je comprends sa manière de penser, hein, tu sais, il y a un moment, c'est bien changer les couches et tout, bon, c'est bien pendant quelques temps, mais après t'en as marre, quoi. Ah ouais, parce que tu portes pas les couches, ouais. Ah non, bah moi c'est fini, moi j'ai arrêté, hein. Moi j'ai arrêté. Ouais, donc voilà, bon, écoute, pour parler sérieusement, parce que tu m'as l'air fort sympathique, mais quand même, l'affaire est pliée. Non du tout non. Ah si si, non mais on s'en fout, c'est pas comme si on te demandait ton avis. Non, hein. On s'en fout pas là. Ah si non, si si, arrête, si. Ça fait deux ans et toi t'arrêtes, tu débarques du jour à demain, là, ça y est, tu casses. Non, mais t'as pas compris, c'est-à-dire que là l'affaire elle est pliée. Ouais, elle est pas d'un sac non plus, attends. Voilà, c'est pas fini. L'affaire, non mais c'est pas possible, on te demande pas ton avis, on t'explique. On est déjà gentil de te le dire. Bah justement, fallait pas me le dire, ça, putain, j'y crois pas. Bah tu préférais être cocu alors. Ah bah c'est incroyable ça. Je préférais qu'elle me quitte sans me dire que je me suis fait cocu, quoi, merde. Bah oui, mais elle t'a pas vraiment fait cocu, enfin si, un petit peu, mais sur le fil, sur la fin, quoi. Ouais, sur le fil, sur la fin. Ouais, puis, c'est juste... Surtout au téléphone, comme ça, elle peut pas venir en face et me le dire, non, du tout. Bah ça change quoi, le résultat sera le même. Ça change quoi? Non mais attends, au téléphone, ça sait pas, il y a des choses quand même. Bon, tu veux que je te présente une copine? C'est gentil. Tu veux, j'ai ma petite sœur, elle a 17 ans, ce sera parfait pour toi. Nickel, nickel. Hein, non, comme ça tu verras encore Nadine, tout ça, non, on restera. Mais le beau-frère, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. Comme ça Nadine deviendra ta belle-sœur. C'est bien au final comme changement. Ouais, c'est bon. J'hallucine, j'aurai un beau-frère comme ça. Non mais écoute, après moi j'essaie de te rendre service, tu veux pas, tant pis hein. Bah écoute, je la repasse là. Tu m'as l'air gentil, tu m'as l'air mignon, mais t'es un peu relou. Bon Nadine, je te le repasse là. Oh là là là. Ouais, là. Ah, ouais, je comprends pourquoi tu t'es barré hein, 18 piges, 500 ans. Hein. Oh. Oh bon, ouais, comme il t'a dit, c'est drôle. Non mais il fait cool, lui, c'est pas à la fête là, mais. Mais c'est bon, je t'appelle, je suis honnête, c'est tout. Écoute, il est top, il a une super voiture. Plus, ouais. Si tu commences à nous faire chier, écoute, on vit une super histoire d'amour. J'hallucine l'amour quoi, attends, on a tenu deux ans ensemble, il y a eu des trucs qui sont faits, on a eu ouais, des mal pour l'autre et du jour au lendemain, tout qui s'arrête et hop, le coup de foudre, non mais j'y crois plus. C'est fini, voilà, c'est. Et puis il y a une bonne raison. Fait, en plus, t'es pas une princesse. Hein. Ah bah attends. Ah si, un petit peu là quand même. Je suis pas le prince charmant, hein. Ouais bah ouais, heureusement. Qu'est-ce qu'il dit, Vida? Qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, si, un peu une princesse et une fille. Oh là là, il est vraiment quoi. Non mais j'hallucine, c'est quoi ce bordel. Bon Raphaël, c'est la salope quoi, tu sors avec lui juste parce qu'il a une belle voiture, qui touche des thunes et puis voilà quoi. Mais non, parce que je suis un homme. Parce que je suis un homme et puis un enfant, voilà c'est tout. Oh là là là là, t'as toujours pas compris. Je voulais éviter. Mais non mais je voulais éviter d'arriver comme ça avec mes gros sabots, mais tu me forces à le faire. Tes gros sabots. J'essaye de t'expliquer correctement et tu me forces à être violent. Elle ne veut plus d'un bébé. Il n'y a pas 30 semaines, là, tu m'expliqueras. Elle ne veut plus d'un enfant. Un homme. Voilà. Ouais. Bien avec sûr, un peu de poils sur au niveau du menton, avec un peu de poils partout, tu vois ce que je veux dire? Non, mais t'inquiète, j'ai du poids. Moi aussi j'ai un rasoir, tous les matins je m'en sers. Ouais, non mais d'accord, ok. Non mais moi aussi, tu vois, quand j'étais petit, j'essayais de me raser alors qu'il n'y avait rien. Moi aussi j'avais un rasoir, mais il servait à rien. Arrête, tu m'as pas vu, je suis pas portugais non plus. Tu vois, quoi, qu'est-ce que t'as avec les portugais? Tu es portugais en plus? Non, mais j'ai beaucoup de gens qui sont portugais que je connais et voilà. Ce sont des gens très très bien. Non, mais... Et tu reprends le téléphone comme ça. Quoi? Ah, c'est vrai, c'est bien, mais on a mis le haut-parleur. Non, on n'y va pas là. Ah si, on va y aller, ouais. Ouais, on va y aller, il y en a marre. Non, on va y aller, on va y aller. Ça coupe pas l'appétit là, comme ça, là, d'un coup. Bon, Raphaël, bah c'est pas grave, ça tombe très bien, j'aurais passé déjà. Bon, Raphaël. Ouais. Ça va, tu te prends encore bien, hein? Non, je le prends pas bien du tout, non. Si, toi, t'as craqué, toi. Non, si, je trouve que... Pour te montrer que je le prends pas bien. Je trouve que tu le prends plutôt pas mal encore, hein. Moi, tu le prends assez bien. Je suis assez surpris, je m'attendais à plus... Je m'attendais à plus dur. N'importe quoi, tu vois. Tu vois, Nadine, il tient pas beaucoup à toi, au final, hein. La voisine, là, je vais me faire plaisir aussi. Hein, Nadine, il tient... Ah, la voisine. Non, mais attends. Ouais, la voisine. Bah, t'as cru quoi, je me gêne. Tu me fais concu, en plus, tu es obligé de m'abstenir. Non, mais t'as vu la vierge. Faut arrêter, là. Ouais, c'est clair, va voir la voisine. Hein. Ouais, t'as raison. Bon, ça va, il tient pas beaucoup à toi. Hein. Je suis assez d'accord avec ça. Bon, Nadine. Ouais, moi, j'ai attendu le coup de foudre. Hein. Nadine. Ouais, bah le coup de foudre, moi, il était bien. Nadine, bon, dis-lui, hein, parce que le malheureux, là, il va avant qu'il aille baiser la voisine. Encore faut-il qu'elle veuille aussi. Non, hein. C'est malheureux, j'hallucine. Oh, mais c'est toi, malheureux, dans l'histoire. C'est des conneries. Mon cœur, il faut que t'arrêtes de t'exciter. Mon cœur, c'est une blague, c'est des conneries, t'es en direct sur énergie. Mais arrête, tu me fais un speech comme ça et là, tu me dis c'est une... Non, arrête. Mon cœur, t'es en direct sur énergie, c'est Mickaël qui a l'antenne qui s'est passé pour Cédric. Je t'ai monté un canular, le jeu, je t'ai fait couper. Non, bah tu as raison de pas y croire, elle ment comme elle respire. Mais non, mais tu m'as mis un coup de speed là comme ça, mais ça se fait pas. Mickaël, oh, dis-lui que... Ça se fait pas. Dis donc, Raphaël. Ouais. Tu savais où t'étais là, non? Où j'étais? À la radio? Non, du tout. T'es sûr? Ah ouais, non, mais c'est quoi ce bordel? J'en reviens pas. Ah, je sais pas si c'est l'accent qui fait que c'est faussé ou pas, ça m'énerve. Je sais pas, quoi, je sais pas. Non, mais bah ouais, mais tu sais, parfois quand tu joues, tu... Comme nous, parfois, tu sais, on imite, on fait un accent, donc du coup, on sait que c'est du faux. Alors, quand on a le vrai accent en face, on sait pas si, effectivement, c'était vrai ou faux. Bon, dans le doute, on va te faire gagner quand même, Nadine, mais bon, j'ai quand même un doute. Hein. Un doute sur quoi? Sur notre amour? Non, sur le fait qu'il était au courant qu'on passe à la radio. Il y a des moments comme ça, je sais pas, c'est... Oh, non, je sais non, pas. Non, comme ça. Ça, voilà, ça me met le speed. Une hésitation, je sais pas, mais bon. Bon, on va vous filer le scooter, on va vous repasser Micha qui va enquêter. Ah, je suis sûr. Voilà, il va faire Colombo tout le week-end. Un scooter, Non, c'est juste toi, Nadine, hein. Lui, il a rien gagné. Ah, si, quoique, c'est peut-être plus intéressant pour lui, sachant qu'il a pas de voiture. Voilà, t'as tout compris. Bon, oh, allez, je vous repasse Michel au standard, passe un bon week-end tous les deux. Merci. Allez, à bientôt. Putain, j'y crois pas. Et si, tu peux y croire. Bon, allez, si vous voulez faire encore un petit chéri, je t'ai fait cocu, n'hésitez pas à vous inscrire. 612, débuté par énergie, puis vous mettez cocu avec votre numéro de téléphone. Mickaël, le podcast. Et on va pouvoir passer maintenant au Mac du jour. Bienvenue à tous dans ce Mac du jour. Un tour d'horizon de l'actu condensé et revu à notre sauce comme tous les soirs. Et on attaque avec ce premier titre dans l'actu international pour débuter. Ce week-end aura lieu l'enterrement du président polonais Lech Kaczynski, dur à dire, et de sa femme, tous deux décédés avec d'autres chefs de l'État lors du crash du Tupolev la semaine dernière. Ouais, n'empêche, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le mec, il a tenté d'atterrir 4 fois. Bah écoute, l'enquête le révélera, hein. Alors il y a beaucoup de zones d'ombre quand même malgré tout. En même temps, hein. il se rendait à une commémoration, donc ça la foutait mal d'arriver en retard. Oui, bah enfin toutefois les enquêteurs ont déjà été clairs à ce sujet, le pilote de l'avion n'était absolument pas sous pression. Et non, il n'y avait plus de bière, alors il est passé à la vodka. Ouais. Bon, et on poursuit avec la télévision ce soir, c'est le premier vendredi sans la ferme célébrité sur TF1. En même temps, Koh-Lanta puis la ferme, ça faisait un peu beaucoup quand même. Ah oui, non mais t'inquiète pas, hein, Secret Story va revenir. Et en plus, TF1 a racheté un nouveau concept de télé-réalité, The Frame, ce qui veut dire le cadre. Ça consiste en quoi? Alors attention, c'est du très très lourd. Vas-y. C'est du très très lourd. Le concept, mesdames et messieurs, est le suivant. Les candidats ont une caméra placée chez eux dans leur salon. Une seule caméra, bien évidemment. S'ils sortent du cadre, ils sont perdus. Ils ont perdu. Oh là là, c'est un mec qui va gagner, c'est obligé. Pourquoi? Bah, être payé pour pas lever son cul de la journée, je connais des mecs qui le feraient même gratuitement. Ouh. Ouais. Il y en a d'autres aussi, hein. Ouais, ça tombe bien, cette petite remontée féministe, puisqu'on va terminer avec la Ligue féministe canadienne qui veut changer l'hymne national. Elle tape scandale sur les paroles, hein. C'est au Canada que la ferveur patriotique anime tous tes fils. Ah ok, j'ai compris, elles veulent qu'on dise fils et filles. Exactement. N'importe quoi, la Marseillaise, elle dit égorger nos fils aussi. Et pas nos filles. Ouais. Et bah ouais, mais ce qui va être bien, c'est que maintenant elles vont réclamer aussi le viol dans la Marseillaise. Hein, comme ça, il y aura la parité. Ouais, c'est ça. Allez, on passe tout de suite au con du jour avec notre ami Larousse. Ouais. Et on part direction la Pologne. Et oui. Un pays qui a plus de gouvernement, mais qui a toujours des services publics. Oui. Mon con du jour est un cambrioleur qui a fini en fait par se faire arrêter malgré sa méthode originale. D'accord. Il a commis plusieurs vols chez des particuliers sans la moindre effraction. Ouais. Là, ça c'est beau. Donc c'est la méthode mal. Elle est hyper simple. En fait, c'est la méthode dite Treberski. Okay. Ce qui, une fois traduit du polonais, veut dire la méthode Jean-Pierre Treber. Voilà. Puisque mon con du jour se postait chez ses victimes. Ouais. En fait, il se mettait dans une boîte en carton sur laquelle il avait pris le soin d'écrire l'adresse des maisons et des entreprises qu'il voulait cambrioler. Deux jours plus tard, il commettait son crime et se repostait avec son butin vers son domicile. Non, évidemment, c'est un malade. Au bout d'un moment, les facteurs polonais ont trouvé les colis un peu lourds. Tu m'étonnes. Attends, t'imagines un peu le mec, pendant deux jours, il traînait. Et pour peu que la poste se trompe ou perde le colis, ouais. Comment ça se passe, dis donc. Putain, c'est dingue ça. Heureusement que personne n'a tenté ça en France. Hein. Il serait mort. Peut-être, t'imagines, il est envoyé dans un autre pays. Oui, c'est possible. Non, mais ça ferait un voyage pas cher, surtout. Ah, d'accord, mais faut arrêter. Non, moi, je dis ça pour le roux. Imagine le plan. Tu te postes à Hawaï, mec. T'en as pour longtemps, tu crèves avant. Ça dépend. Tu mets de la bouffe dans le colis. Ah, mais dans la soute, il fait froid. Ah, ouais. Dans tu te mets un lafuma. Ouais, alors dans ces cas-là, faut agrandir le carton, là. Tu te mets un lafuma. Allez, on passe au sport maintenant, rugby. Enfin, hippisme, plutôt. Ouais, bien joué, maintenant, j'ai envie de gâteau. C'est trop bon, les pims. Non, les biscuits, les pims, oh là là. Enfin bref, bon, c'est pas grave, c'était hippisme, donc course de chevaux en gros. Bon, ce dimanche, donc, aura lieu le prix de la Ligue Nationale de Rugby, histoire de mêler l'univers des courses de chevaux et du rugby, avec la présence de rugbymen et de jockeys. Waouh. Ouais, une course de chevaux, ça reste chiant quoi qu'il arrive. Oh, t'es jamais content de toute façon. Ah si, s'ils avaient mis les rugbymen sur les chevaux et les jockeys en pleine mêlée, je te jure que là je me serais tapé des barres ce dimanche. Ouais. Bon, c'est sûr que dimanche tu vas pas rire avec Saint-Etienne. Hein. Allez, ouais, on verra. Sport toujours, Paris-Dakar. Oh putain, Mike, arrête, j'ai envie de m'éclater en Paris-Brest maintenant. On va te faire soigner, Sandro, là. Bon, sport automobile. C'est bon là, tu vas pas me dire que tu veux te descendre un bidon d'huile. Non, j'ai rien dit, ça va. Allez. Bon, grosse affaire de drogue avec le Paris-Dakar. Hein. Près de 800 kilos de coke ont été saisis en Espagne dans un camion de la course en fait. Attends, il y a un pilote qui faisait du trafic ? Non, en fait, des trafiquants ont fait un faux camion avec tout l'équipement technique et logistique, les logos, tout le bordel, les sponsors et tout le merdier. Ils ont carrément été jusqu'à se déguiser. Alors c'était en fait un faux pilote et un faux copilote. Ah putain, ça y est, j'ai compris. En fait, Domenech, il a un gros business de hache, c'est un faux entraîneur. Ouais, peut-être, ouais, ça expliquerait pas mal de trucs en fait, effectivement. Bon, sur ce mic du jour touche à sa fin. Avant d'y mettre un terme, on passe bien évidemment au traditionnel quiz des citations people. Et à votre avis, qui a dit « Je me sens mal pour Brad et Angelina, ils sont les pires victimes des paparazzi de la planète ». Putain, tout le monde aurait pu dire ça. Lady Gaga ? Non. C'est un Américain ? C'est... Oh, c'est Ricain ou c'est anglais ? Ouais. C'est Ricain ? Ouais. Et c'est un de leurs proches ? C'est... Bon, j'en sais rien, moi. Ouais, c'est une star. Oui, quoi. Oui, certainement. Mais oui, c'est une star. C'est ouais. Une star. C'est une femme. Ouais, c'est une femme, ouais. C'est une femme. Jennifer Aniston ? Non. Gwyneth Paltrow ? Gwyneth Paltrow, effectivement, oui. Alors, au hasard de chez hasard. C'est-à-dire que c'est la première actrice qui m'est passée par la tête. Sinon, j'avais un indice. Elle aime le galop, mais Paltrow. Ah, oui, bravo. Oui. Voilà. Deuxième question. Il va falloir qu'on... il va falloir qu'on travaille pour trouver une solution, sinon ça va pas être possible. On va partir après 3 matchs. Raymond Domenech. C'est Thierry Henry. Non. Ah non, je sais. Ah tiens, je vais laisser. Hop là, démerdez-vous. Pires. Bah Sandro, c'est une question football. Pires, c'est pas une équipe de France. Soria Bonali. Et alors, ça m'empêche pas de dire de la merde. Soria Bonali. C'est football, ah, c'est pas patinage artistique. Bon, c'est pas Ribéry. Indice. Non. Il est noir. Ah, ben là, Mamadou Niang. Il est pas en équipe de France, c'est un Sénégalais. Il est pas en équipe de France. C'est un Sénégalais. Putain, qui je connais en... C'est un mec. Bon, attends, qui... indice. Il a de la cannelle, mais en verlan. Oh, c'est trop facile. Anelka. Eh oui, de son prénom. Ciboulette Anelka, pas mal. Allez, enfin la dernière. Qui a dit Tiger a merdé et sa femme a fermé les yeux. Je ne tolère pas l'infidélité, mais à un certain point, c'est tort partagé. Sa maîtresse hein. Non, bah non. Sa femme. Non. Ils vont divorcer là, apparemment. Sandra Bullock. Non. Sandra Bullock. Non. Sandra Ballon. Non. Sandra Delis. Oh, ça c'est honteux ça. Sandra Geffroy. Alors C'était encore pire. Sandra en coton. Sandra Nicouverture. Sandra Kula. Allez, petit indice, avec lui, c'est carré. Avec lui c'est carré. John Rectangle. Carré. Non. Jim Carrey, effectivement, bonne réponse. Eh, apparemment, j'ai pas vu, mais vous avez vu la pub de Tiger Woods pour Nike? Non, ouais. On s'en fout. Non, mais apparemment, c'est glauque. Aigreur. Non, mais c'est hyper glauque, apparemment. Genre, il parle à son père, alors que son père est mort. En fait, c'est juste la voix de son père qu'ils ont récupéré je sais pas où. Ah, et ouais, en fait, Tiger Woods ne parle pas, c'est un truc en noir et blanc. Et c'est pour vendre quoi? Pour lui dire, ah, c'est pas bien ce que t'as fait. Même pas en fait, c'est un espèce de truc. Vous entendez maintenant et à mettre en conditionnel. c'est une espèce de truc où il l'encourage quoi, où il lui dit voilà, faut que tu sois le meilleur. T'as ils vont loin quand même. Et, alors c'est pas une pub alors. Si, parce qu'à la fin, l'écran devient tout noir et il reste juste la virgule. Sérieux, c'est dingue. Ça hein. Se passe. Enfin, il faut voir si cette pub existe. Hein. Oui, ah si, mais moi j'ai lu ça. Hein. Ah oui, tu l'as lu. Enfin, j'ai pas vu la pub. Mais c'est ça, il faut voir si finalement ils l'ont mise, ils l'ont sorti ou pas. Hein. Ah, elle est sur internet, parce que moi je l'ai vu la pub. Ouais, bah écoute, on verra bien si on la voit sur nos écrans. Bon, fin du mec du jour, autour du mec du jour, à nos jours. Mickaël, le podcast. Et on va pouvoir passer au blind test dont Toff nous parle depuis le début de l'émission. Quel est ce blind test? La dernière fois qu'on en a fait un, si mes souvenirs sont bons, c'était à base de dessins animés, je crois, un truc comme ça, ou non? Non, on t'entend mal, Toff. Ah, pardon. Et ben là, c'est... Non, c'est pas possible, quoi. C'est pareil. Pas possible. C'est pas... Je sais pas quoi faire. Moi non plus, je sais pas. Pourtant, le bouton rouge est là. Ouais, et ouais, tout. C'est rouge. Et quand il est pas rouge, c'est que ça marche pas. Et pourtant, là, il était noir. Et là, ouais. En fait, ça marche. Voilà, ah, ouais. C'est ça, ah, c'était ça. Tu sais très bien, arrête. Bah oui, non. Enfin, même sans drôle. Mais je comprends pas parce que de l'autre côté, il n'y a pas de bouton. Oui, on sait rien. On va pas nous expliquer le détail du studio, là. C'est quoi le blind test? C'est quoi le blind test alors? Donc le blind test, c'est malin Jack. Donc le blind test, c'est des mecs qui n'avaient rien à faire et donc ils se sont dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire tout seul dans notre salon? On va refaire des génériques de série à la guitare et à la bouche. Ah c'est bon ça. Genre beatbox ou genre Non, genre à la guitare pour faire l'accompagnement et à la bouche pour chanter. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est tout simple en fait. C'est tout simple, mais il faut retrouver les séries. Après, il faut retrouver aussi. Hein. Bon, ouais, vas-y, fais facile à la guitare. Fais péter. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'on... Il est facile. On laisse 5 secondes à tout le monde pour retrouver. Non, premier qui trouve la gagne. Friends. Il faut dire son nom avant. Jamais on a donné cette règle. Jamais. Ça fait 5 ans qu'on dit qu'il faut donner son nom à chaque fois qu'on fait un jeu. Oh, elle me fait chier. Ouais, mais le juge arbitre de ce jeu a changé d'avis. J'ai dit avant. Allez, t'as le point. Bah, on va quand même l'écouter un peu. I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. Ouais, bon, pour la peine, là, y a pas grand chose comme changement. C'est bizarre, cette guitare. Ouais, elle est bizarre, hein. Parce que c'est de la guitare à la base et y a un piano à la base. Y a un piano. Oui, c'est vrai, c'est une guitare bizarre. Non, il y a, sur la vidéo, il y a qu'un mec avec une guitare. Ouais. Et après, s'ils ont rajouté des instruments, attends. C'est du piano, hein. Ouais, je confirme. Non, mais en plus, il a dit, ouais, ils font des trucs avec leur bouche. Bah, fallait juste nous dire, ils chantent. Non, mais oui, ouais, mais bah, dans ce que t'as dit, ils sont deux. Oui, ils sont deux, ouais. Ah oui, parce qu'il y a juste un mec avec une l'info est totalement mauvaise, donc c'est un nouvel album. Un mec qui va vraiment faire des reprises de série. T'es né qu'ils étaient deux, il y en a un qui chante. Oui, mais là tu viens de me dire, il est tout seul sur la vidéo, il fait de la guitare. C'est un jeu, c'est un jeu. Allez, deuxième question, deuxième... Ah, je l'ai dit avant, on va te faire enculer. Attends, faut savoir si on dit le prénom ou pas, Sandro. On dit pas le prénom. Ah ouais, mais tu es moderne. Ouais, mais sauf que depuis le début, ouais, on attends, donne pas vas-y, redis-le. Si, mais faut donner son prénom parce Sandro, que Sandro. Mais vous êtes quatre, vous êtes trois gars. Attends, répète-le, vas-y pour voir. Hein? Comment j'ai rencontré ta mère? La version. How met your mother? Oh non, how met your mother? Tu l'as fait beaucoup mieux il y a deux secondes. Bah... I met your mother. Et donc. Prince Frédéric. Non mais arrêtez, il faut dire son nom, arrêtez. Mais non, arrête de nous emmerder, on demande ça aux auditeurs parce qu'ils sont dans le téléphone et qu'on ne les voit pas. Pourquoi tu veux qu'on est là, on se voit tous, qu'on doive donner notre nom, qu'on doit donner notre nom, ça veut rien dire. On se connaît, on connaît nos noms. Voilà, on connaît nos voix. Bah laissez-moi un peu plus de temps alors. Bah on te laisse du temps là, t'avais une demi-seconde là. On va le remettre pour voir. Donc The Prince of Bel-Air. Donc c'est pas du piano, c'est de la guitare. Remets I Met Your Mother pour voir si c'était la guitare. Ah non, c'est pas du piano. Putain, elle doit valoir cher cette guitare. Hein. Ouais, grave. C'est la seule guitare qui fait du piano. Sur la vidéo, je me souviens plus. Attends, laissez-nous un peu de temps quand même. Dis donc, extra suivant. Non, c'est le principe du test. Ah voilà. Voilà. Mais Sandro. Alors ça c'est chapeau melon et bottes de cuir. Voilà. Ouais, c'est le piano et la guitare. C'est une série que j'ai jamais aimée. Alors le truc c'est que j'ai nul. Mon oncle Charlie. C'est de la merde. C'est avec Charlie Sheen, un Eric gamin. Pékin. Jean-Michel Tokyo. Et Paris Hilton. Paris Hilton, ça marche. C'est une série sur un mec, un oncle, donc qui héberge son neveu. Charlie, un oncle Charlie. Son neveu et il s'appelle Charlie le gars. C'est Charlie Sheen, il s'appelle Charlie dans la série. Donc c'est oncle Charlie. Ouais, c'est mon oncle Charlie. Hein, voilà. Et c'est le générique le plus pourri que je n'ai jamais entendu depuis AB. Là, c'est mieux. Là, c'est 10 fois mieux. Ouais, dis donc. Normalement, c'est du piano et deux voix. Ouais, bah c'est du piano et deux voix. De non, mais, franchement je vous le ramènerai après les vacances. Il est vraiment beaucoup mieux comme ça. Bon allez, extrait suivant. Ah putain. Sandro. Non mais ta gueule toi. Sandro. That's 70's show. Yeah. Ouais mais c'est Pablo qui lui a donné la réponse. Mais n'importe quoi, je la connais. That's cette 70's série, show. Je l'adore. Ouais, ils sont pas donné son nom. Ouais. Bah putain, un point pour Mike. Yeah. Bravo. Égalité. Ouais. Ça c'est beau. Ça c'est beau. California, merde. California. Ah Sandro. C'est Newport Beach. Newport Beach. Newport Beach. Arrête, c'est ce bouffon là. Ils ont pas donné son nom. Arrête, c'est pas vrai. Mais arrête, je reconnais que t'es fun. Tu m'as déjà aidé 20 fois comme ça. Genre tu regardes à droite et. La prochaine fois c'est un coup de pince. Newport Beach. Sandro elle déteste les séries, elle me sent Newport Beach. C'est ça. C'est quoi l'histoire? Non si j'aime bien. C'est quoi l'histoire, c'est quoi, l'histoire quoi? Ça se passe avec des salopes. Dans un moi nouvel, je sais pas mais il y a Micha Barton. C'est mais... sur un port qui vient d'être construit. Et puis il y a port plein de Newport salopes à Belgique. Voilà. Le port de Newport, Newport Beach, ouais. Le port de Newport. Il y a des salopes qui chutent. Bon allez encore un. Ah Ah bah oui. Marie les enfants. J'allais dire Love and Married. Ouais mais enfin ça va changer là. Ah bah oui on est en France. Et alors qu'est-ce qu'il dit dans la chanson pauvre con va. Love and Married. Ouais. Ah bah t'as pas des trucs France. Plus années 80 hein. Mais Love and Married, enfin Marie deux enfants suivant en plein temps. C'était de la merde. X-Files. Pas je t'ai niqué. Sur ta série je t'ai niqué. C'est pas sa série. Putain ça m'énerve. Attendez. C'est à moi. Elle n'appartient qu'à moi. Le temps de respirer quand même. J'ai jamais regardé ça. Ça je connais pas. Il est pas mal style. Tu vois, t'as essayé de tricher, tu me l'as donné. Tu lui dis ça va. Storm. Superman. Ah, Scrum. J'ai mal entendu. Ouais, encore un. Allez, c'est bien. Les Simpsons. Ah mais ouais putain faut pas dire son nom. Elle donne son nom et du coup elle dit la réponse après tout. Ah, il en reste deux. Allez, deux. Ah non là j'ai... Mais si. Non bah non. Malcolm. Ouais. Ah non là j'ai jamais vu. Je sais même pas ce que c'est. Non je regarde pas Malcolm, je suis désolé. Non c'est... Colombo. La Panthère Rose. On connaît ça. Mission impossible. Voilà. Ouais, impossible. C'est Mickaël qui remporte le match. Et voilà, victoire. Et ça, c'est beau. Ouais, mais ça, t'as pas beau. Mis Arnold et Willy. Bon, mais non, mais c'est parce Ricky que. Ricky ou la belle vie. Mais, ouais, mais le piano, ils les ont pas fait en fait. Le piano marchait plus. Ricky ou la belle vie, c'était quoi l'histoire? Bah, c'était avec un petit train dans le générique. Là, le mec était sur son petit train. Il passait dans toute la maison sur un train. Quel idiot ce mec. Ouais. Il est complètement un petit blondiné. Un petit blond, ouais, c'était nul. T'as pas mis Sauvé par le gong. Beverly Hills, c'est honteux, vous l'avez pas mis. C'est pas qu'on l'a pas mis, c'est que le mec il joue ce qu'il veut. Une nounou d'enfer. C'est ça, le mec il avait peut-être pas ce qu'il fallait pour la guitare était pas accordée. On va te donner l'adresse du blog du mec et après tu vas lui dire. Et puis tu vas arrêter de nous emmerder. Fais notre générique. Voilà, c'est ça. Moi je propose qu'on fasse un blind test chacun son tour vendredi. Ouais, comme ça tout le monde gagne. Ouais, mais tout le monde bosse. J'avais parlé cet après-midi. Quelle erreur. Mickaël, le podcast. Avant ça, nous allons faire un petit tour du côté des radios Chatas. Avec pas mal de messages qui sont arrivés donc pour Bilou. Il est pas arrivé. Il en reste quand même peu, il est pas arrivé pour fou. Donc voilà, donc si vous voulez encore envoyer vos messages donc pour Bilou pour le Radio Chatas, si vous avez des numéros à donner, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer ça par SMS au 612, débuté par énergie, puis vous laissez le numéro de la personne à contacter et son prénom. Oui, c'est mieux hein, ouais, c'est son prénom. Le prénom de la personne à contacter et pas le vôtre. Hein. Mais oui, essayez de faire en sorte que ce soit des gens rigolos quoi. Tu vois, si c'est juste ton frère et que t'as envie qu'on l'appelle, c'est pas. Voilà, c'est ça. Genre, genre la voisine casse-couille, ouais, la gardienne. Voilà. Ou la tante. De préférence des teubés. Ouais, l'oncle ou la tante relou, enfin voilà. Des trucs comme ça quoi. Et là, vous avez toujours ça dans votre entourage. Enfin, sauf si vous avez un frère qui est comme roux quoi. Parce que là, on peut bien se. Oui, bien là, se là, gueule, vous marrer, ouais. Là, techniquement, on peut. Parce on que peut moi, je m'énerve face à un mec comme ça. Tu raccroches. Non, parce que s'il me dit un cadeau à gagner, je le lâche pas moi. T'es con jusqu'au bout toi. Ah ouais, mais je suis attends, sûr qu'on si on peut gagner un panier garni. Faudrait qu'on essaie de l'enregistrer un jour. Et juste on essaie d'appeler Roux l'après-midi. Il va ouais, jouer. Non. Hein. Ouais, alors. Faudrait essayer. Mais je sais qu'il peut être drôle, rien. Ce qui peut être drôle, c'est qu'on appelle nos parents. Ouais, non, je fais pas ça. Ah ouais, surtout les mères du Roux. Drôle. Hein? Je suis sûr que vous, tu le fais toi. De quoi? Tu t'appelles ta mère toi? T'appelles ta mère toi? Non, moi non. Ça dépend. Ah bah non, ça dépend si, mère, on dit, si on dit que c'est la daronne ou pas. Ah genre on le dit pas et ouais. Ouais mais c'est moins kiffant pour les auditeurs. Ah ouais. Moi je perso je fais pas. En même temps, tu dois pas le faire, c'est Bilou qui le fait. Non mais il le fait pas. Il le fait et je nique sa race. Donc, Bah, il arrive justement. Ouais bah juste avant, ouais. C'est ça, tu le ferais toi Jack? Ouais je sais pas, ouais pourquoi pas. Et toi Toff? Ma mère a déjà beaucoup donné dans cette émission. Toi, Sandro. Allez, bonsoir, tête de con. Ah, bon. De quoi vous parliez? On était en train de... Comment elle s'appelle ta mère, Bilou? Hein? Comment elle s'appelle ta mère? Germaine. Valou. Germaine. Oui, bah, j'ai pas choisi. Hein. Ah, oui, quel âge? Pas non plus. Sans doute. Hein. Elle avait son prénom avant le mien. À quel âge, ta mère, Bilou? Oh, elle a pas l'âge, hein. Comment le ça, même âge que le même âge que la mère du Roux. Ah, attends, c'est rien. Tu il faudrait qu'on l'appelle d'ailleurs un soir. Ah oui, c'est ça. Espèce de tocard. Prendre de ses nouvelles. Des chatasses. Mais oui. Arrête, Bilou, je vais te niquer. Tu vas? Je vais te niquer. Parle comme un con, lui. Touche pas à Bilou comme ça. Hein, oh. Quoi? Qu'est-ce une star de la radio. Ah ouais. d'accord. Bon, allez, on va faire des... pas vu. On va faire encore un appel. Ouais. Vas-y, Bilou. Allez, c'est parti. On avait déjà fait un tout à l'heure. Si vous avez des numéros, d'ailleurs, hein, allez-y. Hein. Vous pouvez vous inscrire. Hein. Donc 612 débuté par. Hein? Mickaël l'a déjà dit. On comprend rien quand tu parles. Donc 612 débuté par énergie. Puis vous laissez les numéros et le numéro de la personne à qui appeler et le numéro et le nom. Ouais, d'accord. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, et c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Bon, on y va, on appelle le premier parce que vous me faites perdre du temps là. Ouais, ouais, c'est... Allez, c'est parti, on y va. Allô? Allô, monsieur Gian? Non, vous faites erreur. Ah, mais c'est pas grave, bonjour, c'est la radio. Vous êtes en direct à la radio sur Radio Chatas. Chatas. Comment allez-vous? Ça va. C'est 109.3 FM, 109. Vous écoutez souvent Radio Chatas? Non, pas du tout. Ah, jamais, vous connaissez quand même? Non. Non, alors je vais vous poser une petite question comme tous les soirs. Si vous répondez bien, vous gagnez un cadeau, c'est gratuit. Alors attention, qu'est-ce que du ciment dans un bocal? Attention, 10 secondes pour répondre. Yeah, qu'est-ce que du ciment dans un bocal? Voilà, si vous répondez bien, vous gagnez des cadeaux. Plus que 10 secondes pour répondre. Pas. Qu'est-ce que du ciment dans un bocal? Vous ne savez pas? Non. C'est de la confiture de mur. Ah. Eh oui, mais c'est dommage. Quel est votre prénom? Yang. Yang. Ah oui, d'accord, j'étais presque, alors très bien. Bonjour monsieur Yang. Bon alors bah tant pis, c'est perdu, vous écouterez dorénavant Radio Chatas. D'accord. Radio Chatas sur 109.3 FM. D'accord. Vous écoutez souvent? Non, pas du tout. Ah jamais. Vous connaissez le nom de la radio? Non. Radio Chatas. Radio Chatas, quelle est la fréquence? 109.3. Voilà. Non, oui, oui. Et quel est le nom de la radio? Chatal. Non, Chatas, pas Chatas. Pas Chatal, Chatas. Voilà. Quelle est la fréquence? 103. Non, 109.3. Voilà. Et quel est le nom de la radio? Ouais, je l'ai déjà dit. Non, non, mais pour être sûr. Hein. Chatas. Chatas, voilà. Et la fréquence? 109.3. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Lanchan. Radio Chatas. Voilà. Au revoir. Au revoir. Oh, j'ai même pas entendu la question. Eh ben, c'était pas facile, hein, mais il fallait ouvrir tes yeux. Qu'est-ce oh, tes oreilles. Attends, tu mets des affiches à la télé, donc c'est oui, mais en fait, j'étais perturbé par la voix de mon assistante, elle a un problème. Ce c'est quoi du ciment dans un bocal? Du ciment dans un bocal? Ouais. Une piscine? Ah, celle-là, je pense que si je reste un quart d'heure dessus, je vais la trouver. Ok. On a tout le temps. Du ciment dans un bocal? Bon, allez! On va dire au revoir à Bilou, hein, en attendant. Oui, bah, je vais y aller, moi, là. Bon, on va passer par vacances, scène de con. Hein? La réponse. Ah bah non, il a été cherché, moi, j'ai donné 10 fois, j'ai pas l'air donné 15 fois. Tu réécouteras le podcast. Oui, voilà, c'est ça. Ah, tu as déjà donné la réponse. Ah oui, oui, oui. Je suis podcasté. Bien sûr, Bilou. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Bon, t'es pas beaucoup téléchargé, mais t'es podcasté. Ah, bah, ça, c'est toi qui le dis, hein. Bon, c'est de la confiture de mur, mon idiot. Ah ouais, c'est chaud. Ça ah, sert à rien. C'est bah quoi? J'aurais jamais trouvé. Bah c'était drôle. D'ailleurs, elle a pas trouvé non plus la meuf. Enfin bon. Bon, allez, passez de bonnes vacances, tête oui, de con. Oui, oui, oui. Allez, bon, allez. Tu pars où, Roux? Ah, allez. Tu pars où, Roux? Pour l'instant, je sais pas. Ouais, bon, enfin bon, c'est demain, hein. Bah oui, je sais, mais peut-être que je partirai lundi au dernier moment, j'en sais rien. Le Roux, il va en bas de sa cité, il plante une tente et il est en vacances. Hein. Non, j'aimerais bien. Il traverse le périph'. Sur le bord du périph', ou était là où il y a un peu d'herbe. En Normandie, j'aimerais bien. Il va sur les aires d'autoroute, le pauvre. C'est là qu'il passe ses vacances, il y a les toilettes et tout là-bas. Et vous avez de l'argent. Camping. Vous avez de l'argent. Mais moi, je pars pas. Il y a Michel qui peut t'héberger pour la Normandie. Ah non, mais Sandro, elle part plus depuis que l'aspirateur en marche. Elle a du travail. Elle a du retard. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, on va aller chez Jean-Claude maintenant. Et pour aller chez Jean-Claude, nous avons Brice et Patrice qui sont là. Bonsoir. Bonsoir, Mika. Bonsoir. Comment ça va? Salut. Ça va bien, merci. Bon, bah tant mieux, soyez les bienvenus. Donc nous allons aller chez Jean-Claude. Bonsoir. Vous connaissez le principe de chez Jean-Claude? Oui, oui, oui, je connais moi. Toi, tu connais très bien, Patrice. Ouais. Et toi, bonsoir. Brice? Bonsoir. Oui, je connais, oui. Parfait, nous allons donc y aller. L'entrée, en tout cas. Bonsoir. Je vais donc aller sonner chez Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir. Allez, ok, rapide, soir. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous allez bien? Oui. Ça va, mon Roux? Jean-Claude, bonsoir. On est en vacances la semaine prochaine et le Roux ne sait pas où aller, il peut venir chez vous. Il peut venir chez moi, je vais m'occuper de lui. Bah, voilà, Roux. Je vais lui préparer la croix de Saint-André. Qu'est-ce que c'est? On veut pas savoir, non merci. Si, vas-y. C'est un petit accessoire de torture pour le Roux. Ah bon. Il adorera être accroché. Ah oui, bah j'en doute pas un instant. Hein. Bon bref, c'est mon Jean-Claude, meilleur lit. Je vous présente Brice et Patrice. Bonjour mes loulous. Bonsoir. Ça va bien? Voilà, et toi? Brice, tu as quel âge? 19 ans. Pardon? J'ai 19 ans. 19 ans. Bonsoir. Et Fabrice, tu as quel âge? Non, Patrice, pardon. Bonsoir. Il m'a pas dit son âge. Patrice, quel âge tu as? Bonsoir. J'ai 21 ans. 21 ans, vous êtes deux petits jeunes. Deux petites voix de sadique, surtout. Oui, deux petites voix de caution. Qu'est-ce qu'il y a, Roux, tu en manques? Tu as, oui, t'as l'air chiant ce soir. Hein. Tu as besoin d'amour, tu as besoin de tendresse. Bonsoir. Moi je croyais que t'allais pas trop mettre du sarcogame, mais en fait, ça va. Hein. Tu veux que je te lèche la raie pour te faire passer un peu tout ça? Non mais tu sais, les petits garçons sont toujours un peu excités avant de partir en colonie. Bah oui. Le roux, il part en colo. Je te prête. Ça fait toujours bizarre à Sandro faire une bonne vanne. Il part à la montagne. Je te prêterai mon vibro pour les vacances. C'est pas vrai. Elle en a fait des pas mal tout à l'heure avec Algerino. Oui, je sais. Je pensais être plus drôle sur celle-là. Ah bon. Bon, allez. Allez, Jean-Claude, on va passer la nuit. Prêt. Hein. Pas que je connais le nom de ta mère, hein, roux. Bah moi, ouais. Moi aussi, je le connais. Alors. Ça veut dire quoi? Tu connais. C'est le bouffon. Je vais travailler dans ta boîte. Moi, je vais t'accrocher à ta croix de Saint-André et je vais te pendre. C'est pas possible sur la croix de Saint-André. Bon alors, ce soir c'est une spéciale pratique bizarre. Ah bah comme de, ça, alors, ça change tiens. Première question. Qu'est-ce que la misophilie? Une pratique qui consiste à faire l'amour dans une grosse soupe japonaise. Une pratique qui consiste à faire l'amour dans des ordures. Ou une pratique qui consiste à faire l'amour avec un grand pétomane. Pardon? Patrice, je t'écoute mon loulou. Pas quoi, Patrice? La 2. La 2, faire l'amour dans des ordures, bravo. Oui. Deuxième question. Qu'est-ce que l'exobiophilie? L'accouplement avec des extraterrestres? L'accouplement entre des exodes bio? L'accouplement... Tu as été chercher loin celle-là. Oui, je l'aime beaucoup celle-là. L'accouplement avec des exhibitionnistes? Patrice. Brice, je t'écoute. Réponse C. Réponse C, l'accouplement avec des exhibitionnistes, mais non. Patrice. Patrice, je t'écoute. La une. La une, bravo. T'as déjà couché avec un extraterrestre, Jean-Claude? Non, pas encore, mais j'aimerais bien, parce qu'il paraît qu'ils ont plusieurs trous. Oh. Qui t'a dit ça? Des gens qui ont déjà pratiqué. Qui t'a dit ça? Des gens qui ont déjà pratiqué. Fais attention à tes... À tout moment, ta mère est une bonne réponse, Jean-Claude. Tu te rappelles ce qu'il a dit sur ta mère tout à l'heure? Bon, troisième question. Qu'est-ce que l'agalmatophilie? En fait, ouais, ta mère, c'est une traînée d'alien. Ça ne te regarde pas. Alors, qu'est-ce que... Fais la pute sur Pluton. L'agalmatophilie. Petit A, l'amour avec des poupées gonflables, l'amour avec un partenaire qui a la gale, ou une partouze avec des Gallois bourrés au whisky. Eh ben, tout ça, c'est bon. Patrice, je t'écoute. La 2, faire l'amour avec des gens qui ont la gale, mais non. Il faut être sacrément perché là, quand grave. Brice, je t'écoute, ça ne sert à rien, mais tu peux donner une réponse. Ouais, ouais, c'est pour le fun. Réponse A. La réponse A, oui, faire l'amour avec des poupées gonflables, bravo. Mais tu as quand même perdu, mon loulou. Mais oui, c'est dommage. Hein. Mais ça m'empêchera pas de te titiller le gland. Ah bah, parce que je sais que t'aimes ça. Ouais. Petit heureusement vous êtes là hein, pour égayer nos soirées. Mais oui, ouais, mais t'inquiète pas, je vais égayer ton trou du cul. Tu vas rien faire du tout, tu vas prendre ta bouteille en plastique. Bon, alors qui c'est qui a gagné? Ah ben c'est pas Brice, hein, parce que Brice il a été mauvais. Ah oui. Bon. C'est pas grave, je vais le défoncer. Tu pars où en vacances, grosse salope? Ah ben je reste là, moi, allez, faut bien faire tourner la boutique, hein, mon chéri. Hein, tu crois quoi? Que ça s'enfile tout seul? T'en as pas marre de vivre dans un sous-sol? Non, j'adore. Surtout quand tu y vas. C'est vraiment... Et le meilleur moment, c'est quand je finis la soirée à quatre pattes. Bon, Brice et Patrice. Ah bah, il est parti, très bien. Brice et Patrice, passez une bonne nuit, bon week-end, et puis on va vous repasser Micha au standard. Merci, d'accord. Salut à vous deux, à bientôt. Salut, bye. Ciao, bye. Ciao. Bye. Du coup, on lui a pas demandé effectivement ce qu'il faisait, s'il avait une soirée spéciale, tout ça. Tant pis, c'est pas grave. On s'en fout. Bah oui, en gros, c'est ça. Mickaël, le podcast. Et il est l'heure maintenant de passer au POLO Show. What's up, Hey, what's up, this is the Black Eyed Peas. And you're watching the Boop, Boop, Boop, Polo. Boop, Boop, Boop, Polo. Boop, Boop, Boop, Boop. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien, j'essaye d'aller le mieux possible, hein, mais la vie étant ce qu'elle est, on fait ce qu'on peut. On va écouter un peu de pub et on se retrouve juste après pour commencer le Polo Show. Vous rêvez toutes de devenir la petite amie d'une star. C'est vrai. Si toi aussi tu veux connaître tes chances de sortir avec Silvio Berlusconi, envoie Age au 15-16-17. Age au 15-16-17 et tu reçois par SMS les probabilités d'être invité par Silvio dans sa villa en Sardaigne. Age au 15-16-17, plus tu es jeune, plus tu as de chance. Salut, c'est Katy Perry sur Energy et je suis dans les Popo Polo Show. Ah, Cathy, si tu pouvais être sur moi, ça serait mieux. Mais bon, on fait ce qu'on peut dans la vie. Bienvenue dans le Polo Show. Pour ceux qui viennent d'arriver, le Polo Show, c'est rien. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas intéressé par un peu de rigolade et un peu d'humour. Passez votre chemin, allez ailleurs. On commence tout de suite avec quelqu'un. Qui est là? Allô? Hey. Allô, allô? Ah, monsieur? On va vous prendre après, monsieur, d'accord? Ça vous dérange pas? Ah bah, c'est... Enfin, vous prendre, on va vous prendre au téléphone, bien sûr. Polo. Après, monsieur. Oh, bon. Vous aurez tout le temps de vous épancher, 2 secondes. Qui est là? Polo. Allô? Oui, bonjour, Polo. Je viens de te parler, là, parce que maintenant, c'est Jared Clodo. D'accord, Jared Clodo. Tu viens d'où, Jared? Hein? Tu viens d'où? Je viens de Roumanie. D'accord, c'est normal, un peu, c'est ça que... Oui. Bon, qu'est-ce qui est? C'est la promotion de notre album. C'est quoi le nouvel album, Jared? C'est 30 centimes pour manger. Tu as 30 centimes pour manger? J'ai pas, Jared Clodo. 30 euros pour manger. J'ai pas 30, Jared. 30 loupes pour j'ai manger. J'ai rien, Jared. J'ai pas un centime sur moi. Et même si je les avais, je pourrais pas te les envoyer par le téléphone. C'est pas possible. 34 données. Non, mais Jared, je t'imagine là en train de faire avec ta main, là, faire la mendicité, mais non. C'est pas possible. Jared! Et si tu faisais 30 secondes pour travailler, ça serait bien. Oui, je peux. Tu as 30 lavoirs pour faire les vitres. J'ai rien du tout, Jared. Tu as 30 litres de produits pour... Non, j'ai pas. Bon, j'arrête, Jared Clodo. 30 raclettes pour la vitre. Non, j'ai pas 30 raclettes. J'arrête, rappelons, Jared Clodo. 30 éponges pour nettoyer. Il est prochain concert ou ça? Ah, je vais à la maroquinerie. Gare du Nord? Maroquinerie. Oui, ou alors dans le métro. D'accord. 30 secondes pour centimes. 30 centimes. 30 centimes pour quoi? 30 centimes. Donne-moi bon. 30 centimes pour... Jared Clodo, 30 centimes pour nouvel album. 30... Oh, 30 laisse-moi centimes. Parler Jared Clodo, vous trouvez... On 25 trouve dans quel... centimes pour manger. Dans quelle station on te retrouve? 25 centimes, Franklin Roosevelt. Ouais. Et le mardi, je suis Saint-Lazare. D'accord. Et mercredi, ligne 1, je fais les sacs à main des touristes. D'accord, ok, merci 30 Jared. 30 centimes pour... 30 centimètres. Non, c'est des petits centimes. 30 centimes pour déguster une petite cacahuète. J'arrête Clodo, dégage 30, d'ici. Bon. 30, j'aime bien les groupes qui débarquent. Hein, 30, parce qu'on en a... 30 pots de banane. Mais ouais, toi, tu je vais manger pots de banane. J'arrête Clodo. 30. Dégage d'ici. Oh là, il m'a saoulé. Qui est là? Allô? Allô? Oui, bonjour, Robert. Ah, bonjour, Robert. Intermittent. Bonjour, Robert Intermittent. Oui, plus intermittent en ce moment avec les grèves. Tu es professeur, hein. Ouais. Oui. Mais en même temps, vous êtes un peu responsable de tout ça. Hein, si vous voulez donner cours, vous donnerez des cours. J'y contribue. En même d'accord. temps, je suis bientôt à la retraite, on s'en fout. Hein. Ah oui, bah oui, ça m'étonne pas. Je prends de l'avance. Bon, je vous écoute. Ça sera moins à cotiser. Bon, je vous écoute, Robert, oui, professeur alors, à la retraite. Vous savez combien il faut de moustiques pour vider le sang d'un homme? Pour vider? Oui, le sang d'un homme. En gros, combien faut-il de moustiques pour sucer le sang d'un homme complet? Beaucoup, 1000, 2000. 1 million 2 enfin. 1 million 2 de moustiques, putain. Oui. D'accord. Ça sert à rien, mais j'avais envie de vous le dire. D'accord, vous avez autre est-ce chose que vous savez, est-ce que vous savez sur quel côté tombe une fourmi en état d'ébriété? Côté pile? Mais non, côté droit. Ah, côté droit. Ah oui. Pourquoi? Ouais, parce qu'elle tombe pas côté gauche. Me demandez pas pourquoi, c'est scientifique, c'est comme ça. Vous avez déjà vu une fourmi en état d'ébriété, vous? Ah bah non, mais non, moi je lis des études. Hein. Ah ouais, bah ouais. Faudrait réviser vos études, faudrait les mettre à jour, peut-être qu'elles datent de 1922. Ah bon? Bon, vous avez autre chose? Mais j'en sais rien, Robert, oh là là. Bon, Robert... Vous saviez qu'il n'y a pas d'horloge dans les casinos à Las Vegas? Oui, ça, je sais. Ah bah très bien, c'est déjà ça, au moins vous savez quelque chose. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Quoi? On aimerait bien avoir une explication parce que ça on mais le sait. Mais il n'y a pas d'horloge, mais c'est simple enfin, c'est pour que les gens ne se rendent pas compte du temps qu'ils passent à dépenser leur argent. D'accord. Et plus ils en dépensent, plus le casino est content, et plus ils sont ruinés, plus le casino est content. C'est normal. Voilà. Bon, la suite. Et après je me suicide et tout le monde est content. Bon, autre chose? Oui, qu'est-ce que je voulais vous demander? Ah oui, à partir de combien de fautes un livre est-il dit corrigé? Et bien corrigé. Ah, je sais pas. Oui, je crois qu'il tolère un nombre de fautes. Mais tout à fait, mais combien? Ah ça j'en sais rien ça. 50? Ah. Non, 7 fautes. Ah, 7 fautes. Au-delà de 7 fautes, le livre est mal corrigé, oui. D'accord, une autre? Allez, une petite dernière. Hein. Savez-vous qu'il y a plus d'argent dépensé dans l'alcool et la cigarette que dans les assurances vie? Ah oui, ça je m'en doute bien. Ah bon, bah ça va alors. Bon. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. Ouais. H-5 secondes. Et ah oui, merde. Robert? Oui, une petite dernière, parce qu'elle me fait plaisir. Vas-y, hein. Je t'écoute. Savez-vous combien de fois un lion s'accouple par jour? Non. 50 fois. Oh, le bâtard. Eh oui, hein. Quel talent. Bravo, c'est pas pour rien que c'est le roi des animaux. Ah bah, évidemment. Hein, c'est pas le paresseux. Ah bah non, parce que le paresseux, sûr, il doit faire ça une fois par an. Ah, et encore, ça c'est les animaux. Bon, Robert. Oui. Au revoir. Bonsoir. Allez, dégage. Et à la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, j'ai raccroché le mauvais. Pas de chance. Alors, Robert. Oui, je reste encore un peu. Comment on fait? Ouais, comment on fait? Comment ça? Appuie sur Quick, Bis. Bis, Quick, il est où? C'est là? Nes, Quick. Bah, viens, alors, au lieu de râler. Ah, il était où, là? Il était là. Eh bah, Quick, Bis. Eh bah, il est là, là. Oui, mais... Attends. Robert. Ah, il veut pas. Oui. Il veut pas. Robert. Oui. On a perdu quelqu'un. On essaie de le réanimer, là. Écoutez, vous en voulez peut-être une autre? Ouais. Bon. Est-ce que vous saviez que les vaches pouvaient monter les escaliers? Qui? Les vaches. Non, comment ça les vaches? Ben les vaches peuvent monter les escaliers. Ah bon? Oui. Elles font mais comment? Elles peuvent pas les descendre. C'est trop compliqué. Bon, ok. Elles sont entraînées par leur poids, elles tombent, elles meurent. D'accord. Bon bah monsieur Robert, on va y aller nous. Parce que vous nous avez gonflé un peu. Ouais, bah ouais, il y a des moments dans la vie, il faut savoir dire stop. Et il faut savoir dire au revoir. Allez, Robert! Bon. Eh bien écoutez, bonne soirée et à la semaine prochaine. Allez, fous-moi le camp, hein. S'achève le polo show, merci à ceux qui l'ont écouté, merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas, car tous les soirs, bah je suis là. Voilà. J'essaie d'être bien. Là, à part le week-end où j'essaie de me reposer pour dormir. Un peu d'énergie. Ta gueule. Dernier polo show d'ailleurs. Avant les vacances, ouais. Parce que la semaine prochaine, Polo et Pedro seront là. Afin d'animer ce off. Non, c'est du best-of. Ah bon, bah alors génial, parfait. Donc la semaine prochaine, 21h minuit, The Polo and Pedro Show. Ah, on a l'habitude hein, que les gens se rassurent, on l'a fait pendant un... Ah bah c'est vrai, vous avez l'habitude de rester là pendant qu'on part en vacances. Jusqu'à ce qu'on nous arrête dans notre élan, parce qu'on faisait du chiffre. Eh oui. Je le dis moi maintenant. Trop d'audience, faut pas faire trop d'audience. Il faut le préciser. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.